que vous pensez que... Celui-là, il me fait marrer. Madame Roller existe. Madame Roller ? Ouais, Roller. Ah oh, oui, en Belgique, ouais. Oui. Allez, oui. Vérifions. Allô ? C'est Madame Roller ? Non. Ah, je me suis trompé alors. Il y a des chances. Ah, vous êtes comment, Madame comment ? Moi, c'est Madame Patin. Ah, oui, c'est presque la même chose. Vous demandez Madame qui ? Mais Madame Roller, mais vous me dites que c'est Madame Patin, c'est pratiquement la même chose. Ah oui, d'accord, oui. Oui. Vous avez compris la feinte ? Oui. Et tout roule pour vous, madame ? Oui. Comme sur des roulettes, j'ai envie de dire. Oui, bien sûr. Allez, bon après-midi. Merci également. Je m'étais trompé. C'est pas Madame Roller, c'est Madame Patin. Tu lui en as pas roulé un ? Non, non, j'ai... J'hésitais à faire la blague, mais je me suis dit, elle était très sympa. Donc voilà, je voulais qu'on reste en bon terme. Et puis je me suis dit, tiens, est-ce que Madame Pêche existe ? Est-ce qu'il y aurait une certaine Madame Pêche en Belgique ? Pêche ? On a pas mal d'étangs, on a des lacs en Belgique. Moi je dis oui, pêche. Pêchons bien. Vérifions. Oui ? Oui, Madame Pêche ? Oui. C'est calme aujourd'hui, hein ? Oui, pas trop de bruit, parce que ça peut faire fuir les poissons, hein ? Ah bon ? Monsieur pêche aussi ? Non, je suis seul. Ah oui, paraît que la pêche est meilleure quand on est seul. Voilà. Ah bah la ligne est très bonne aujourd'hui. Hein. Oui, c'est vrai. Hein ? Oui. Allez, en espérant que vous allez attraper quelque chose, hein ? Oui, hein ? Ça va ? Ça va. Ça va mordre, je le sens, ça va mordre à l'hameçon. Oui. Au revoir, madame. Au revoir, madame, oui. Ah, il t'a dit madame. Ouais, j'ai une voix de gonzesse ou quoi au téléphone, je crois, apparemment, ouais. Au revoir, madame, oui, au revoir. Bon, ben, j'étais lancé, hein, les lacs, la pêche. Je me suis dit, je vais rester dans le même monde. Est-ce que vous pensez que madame Saumon existe ? Madame Saumon ! Tout est possible, hein. Ah oui, évidemment, madame Saumon, je le sens bien. Allô ? Oui, je suis bien chez Madame Saumon ? Non, pas du tout. C'est Madame comment ? C'est la même famille, c'est Madame Thon. Ah, c'est la même famille. Oui, j'ai dû me tromper quand j'ai pêché le mauvais numéro, alors. Oui, certainement. Voilà, désolé d'avoir dérangé votre ligne. Je vais vous relâcher, d'accord ? Oui, ok. Au revoir, Madame Thon. Au revoir. Ouais, j'essaie de faire des jeux de mots de temps en temps. Mais... Ils sont bien, ils sont très bien. Non, mais je tiens à le dire, c'est magique. Bon, ben voilà, Madame Saumon, je ne l'ai pas trouvée. Madame Thon, j'espère qu'elle ne ressemble pas au thon, évidemment. Je vais vous relâcher, on va lâcher à la ligne. Hein. Il est magique. Retrouvez les jeux du Baudin en podcast, en replay, c'est sur énergie.be évidemment. Jeux du Baudin, avec Jarem, c'est de la crème. Retrouvez les meilleurs moments du 6-9 en podcast, audio et vidéo sur énergie.be. Si je m'endors, me réveillerez-vous? Il fait si froid dehors, le ressentez-vous? Il fut un temps où j'étais comme vous. Malgré toutes mes galères, je reste un homme debout. Priez pour que je m'en sorte. Priez pour que mieux je me porte. Ne me jetez pas la faute. Ne me fermez pas la porte. Oui, je vis de jour en jour, squat en squat, un troubadour. Si je chante, c'est pour qu'on me regarde, ne serait-ce qu'un petit bonjour. Je vous vois passer quand je suis assis, vous êtes debout près, c'est j'apprécie. Un petit regard, un petit sourire, me prennent le temps, ne font que courir. Si je m'endors, me réveillerez-vous? Il fait si froid dehors. Merci bien pour la pièce, en ce moment c'est dur, je confesse. Moi je vais m'en sortir, je l'atteste. Un jour avoir un toit, une adresse. Si de toi à moi c'est dur, je stresse. Le moral n'est pas toujours bon, le temps presse. Mais bon, comment faire, à part l'ivresse comme futur? Que tes promesses en veux-tu? Voilà ma vie, je me suis pris des coups dans la tronche. Sois sûr que si je tombe par terre, tout le monde passe, mais personne ne bronche. Franchement, à part les gosses qui me regardent étrangement, tout le monde trouve ça normal que je fasse la manche. Bon, veuillez pas, mais parfois j'ai qu'une envie, abandonne. Si je m'endors, me réveillerez-vous? Il fait si froid dehors, le ressentez-vous? Il fut un temps où j'étais

octobre, on est de retour. C'est le 6-9 qui est là. Bonjour. Bonjour. Ah, mercredi, milieu de semaine, la journée des enfants, la journée où ça pique, la journée où, ça brûle même, je dirais. je sais pas pourquoi, je vous jure, le mercredi, moi, c'est pouf, c'est très dur. Hein. C'est pour. Mais non, mais t'as une belle tête. Hein, ah oui, t'as une belle tête de vainqueur. Ouais, c'est si vraiment. Toute l'équipe est là, les fufous du matin sont là. Il y a Jérém qui est là. Bonjour. Il y a Frisco. Bonjour. Il y a Tiffany au standard. Bonjour, bonjour. Il y a Aurélie de la rédac. Bonjour, bonjour. Et je suis là aussi avec vous, les copains. C'est Marco, on est content d'être là. Vraiment, oui. Ça fait plaisir. 6h du matin, on prend le contrôle d'énergie jusqu'à 9h. Oui, patron, on tremble. Il n'est pas là, il est en vacances, on peut en profiter. Oui, c'est ça, on peut faire ce qu'on veut. Aurélie de la rédac, un petit point sur la météo pour aujourd'hui. Ah, ben, t'as bien fait de sortir la chemise à. C'est quoi, des palmiers? Des palmiers! Ah ouais, c'est l'été aujourd'hui. Ouais. Ouais, on a du soleil, un temps sec entre 18 et 24 degrés. Wow. Allez. Trop bien! Ouais, bah, je suis content. Ouais, voilà. Moi, j'ai remis mes grosses bottines hein, quand même. Super. Oui, mais c'est bien. Bah oui, bah, je regarde pas la météo avant de sortir de chez moi, mais je suis contente. Je pense que je vais t'envoyer un message. Elle, à 4h du matin, il fait froid. Du coup, elle croit que toute la journée, même avec le soleil, il va faire qu'à 24 degrés. Quoi. Je tiens à dire qu'aujourd'hui, je me suis retrouvé derrière Tiffany Alors sur la route. Alors, sans déconner. Je confirme, c'est une catastrophe. On est d'accord. Allez, Laure, on boit, elle s'arrête. Elle attend pendant 10 minutes. Tu fais, mais qu'est-ce qu'elle fout? Ah, je l'ai doublé, je te promets, à un moment donné, c'est bon, on va saouler. Ah non, non, mais je suis d'accord avec toi, hein, on est d'accord. Et pourtant, j'étais derrière elle à 500 mètres de la radio. Hein. J'ai dit, ah, c'est cool, elle va m'ouvrir la porte et tout pour une fois, j'ai pas besoin de sortir. J'ai relou. J'ouvrirai la porte moi-même, c'est bon. Ah, bah non, vraiment. 6h02, soyez les bienvenus sur Énergie, on va chanter dans un instant. C'est l'ABC Song. Avant ça, voici Jane. I know you think that I am over you, but I have just better things to do than crying over you. I really got to move. Show me the way I could be stronger. Life's too short to look down at you. Things gonna be your city runs into my dreams. Darling, I look up at the sun, the rising of another dawn. I got some time to sing the love. I got no time for you on board. I'm not angry with you, boy. I just really wanna move on. Things gonna be sur Énergie, Aya Nakamura à suivre. Ouais, j'aime bien. Ouais, j'aime bien celui-là. Il est rentré dans la tête. Il passe bien. Copine. Je préfère celui-là que Dja limite. Oui, vraiment. Et bon, par contre, celui-là, les mecs, quand on le chante, on a vraiment l'air bête, hein, je vous le dis. Que mes copines. Et mes copines. Moi, je suis champion du monde ringard avec ça. Hein. Clairement. On écoute ça dans un petit instant. Avant ça, on va se faire un ABC Song ce matin. On va se réveiller en chanson, les copains. L'ABC Song, c'est simple. C'est l'alphabet. Hein. A, B, C, D, E. Après, je sais plus. Non, je plaisante, je m'arrête. Moi, je m'arrête à E, de toute façon. et donc, le but est tout simplement, quand je vous donne une lettre, très rapidement, en moins de 3 secondes, hop, avoir une chanson qui démarre par cette lettre. Ok. Et on, je vous le dis, on va peut-être pas spécialement démarrer par A. Oui, non, mais il faut faire du popcorn, sinon c'est pas drôle, parce que après, la personne suivante peut s'attendre à quelque chose, tu vois. Tu vois, exemple, et Tiffany, la lettre E. Etienne. Bien, bravo. Ouais, pas mal. J'adore. Elle est toute contente. On dirait qu'elle a trouvé un truc de malade. Ouais, je pensais pas que j'allais y arriver, mais petite victoire du matin. Jérém, la lettre, bah la lettre C, tiens. Qu'est-ce qu'on essaierait au fond de cette œuvre? C'est un cul. Non. Ouais. Allez, au revoir. Frisco, la lettre B. Babouche. Mais oui, yaya. Ouh, kababouche. Pire, les références de vieux. J'ai pas mal, tu arrives. Vas-y, Marco. Mais tu fais des courriers, mais ouais. Parce que j'en ai une. Ah, gadou, dou. Ouais, c'est ça, là, ouais, c'est très bien. Ouais, excusez-moi, ça commence par A. Non, gadou, gdou, dou. Après, gadou. Tu commences ton mot où tu veux, tant que ça commence par un G. Ah, ouais, mais ça fallait le dou. Ah si, non, un point pour Marco, il a bien fait. Merci. Si. Jérém, la lettre H. H, vous vous foutez de moi ou quoi? Allez. Ah, gadou, Aurélie de la rédac, la lettre M. Michel Mabels. Oh, pas mal, bravo. Ils vont bien ensemble. Ils vont très bien ensemble. Très bien ensemble. Je connais pas cette chanson. C'est les Beatles, enfin. Michel Mabels. Oui, mais reconnu comme ça, c'est difficile. Allez, Tiffany, la lettre T. Elle fait la batterie. C'est une chanson que tu veux faire. T'es la plus bonne de mes copines. Et ouais, bonne de mes copines. Il m'a dit t'es où, je te rejoins, t'es là. Moi je m'en bats les reins, j'ai besoin d'un vrai job. Il a vu mes copines, je crois qu'il a fâché. Je suis pas tout plan bête, à ma telle fessée. Je réponds à tes appels, tu crois que je vais la fesser. Moi je m'en bats les reins, j'ai besoin d'un vrai job. David Guetta, Marie à suivre. Et justement, proposer de rencontrer David Guetta, si ça vous dit, à la soirée Legends. Oh, vous gagnez. Vous rencontrez David Guetta grâce à votre radio préférée. Énergie. Oui, l'autre c'était vous gagnez David Guetta, mais on vous l'offre pas vraiment lui, hein, c'est pour ça. T'imagines voilà. Après son concert, bon David tu viens, on rentre à la maison là. T'es à moi. C'est un petit peu un prêt en fait, hein, qu'on fait. En soi, on le prête pendant quelques temps. Quoi. Quelques heures, vous allez pouvoir rencontrer David Guetta avant ou après son show les copains au festival Legends avec Energy. Ça va être franchement plutôt pas mal. On vous offre déjà les deux entrées pour aller au festival ça, Legends. Cool, ça. Ça se déroulera le 19 octobre au Loto Mons Expo et vous allez pouvoir faire une rencontre exclusive avec le DJ français David Guetta qui assure à mort. Je trouve beau gosse. Je l'ai revu sur France 2 il n'y a pas longtemps au journal avec Delahousse. Et ben, je crois il rajeunit, je trouve. Ouais, mais tu sais pourquoi ? Dis-nous. Parce qu'il a coupé ses cheveux. Je pense que c'est ça. Il avait un look un peu clochard avant et là, il est frais, quoi. On dirait une pub. Mais tu sais pourquoi ? Parce qu'il met la nouvelle crème rafraîchissante. Si vous voulez gagner la rencontre avec David Guetta et vos accès pour la soirée Legends, le festival, on vous offre la totale. Un trajet aller-retour en limousine. On vient vous chercher chez vous en limousine. C'est la classe. Et alors, le repas, la soirée en VIP, plus une nuit à l'hôtel et la rencontre avec le beau gosse. Si vous voulez gagner ça, très simple, il suffit d'aller vous inscrire maintenant sur energie.be, vous téléchargez l'application Energie Belgique et il va falloir répéter une phrase Energie. Qu'est-ce qui se passe ici ? Et l'autre, elle me fait rire, c'est qu'elle me regarde, elle me fait « C'était pas David Guetta, c'était Bob Sinclair que je parlais. » Oh là là, non, c'est pas vrai. Et Bob Sinclair, il s'est pas coupé les cheveux. Mais qu'est-ce oui, que tu mais racontes, il s'est coupé les mais cheveux, c'est... toi. Mais pas du tout, c'est Guetta qui s'est coupé les cheveux. Les cheveux. attention, vous vous inscrivez sur l'application energie.be et si on vous appelle dans la journée, il faut répéter cette phrase. Attention l'équipe, prêt à ouvrir les guillemets. On ouvre les guillemets. Je veux voir David Guetta grâce à Energie, ma radio préférée. Voilà. Franchement, c'est facile. C'est la phrase énergique qu'il faut retenir. On vous appelle, vous la répétez, et ben vous gagnez tout ce qu'on vient de vous dire avec David Guetta. Ça va être sympa. Ouais, on l'écoute dans un instant sur Energy. À tout de suite. Et puis nous on revient, on va parler de Yellowstone. Vous voyez Yellowstone ? Ouais. Non. Ouais. Yellowstone, ici Yellowstone. Ah non, c'est les fusées, rien à voir. C'est Houston. Houston ou Yellowstone ? Non. Mais non, on va pas parler d'Houston, on va parler de Yellowstone. C'est okay. Voilà. Rien à voir. C'est les volcans, tout ça, le truc qui. Oui. Ah oui, je vois. Parc à geyser. Enfin, un beau geyser, toi. Get ready for the next round. Les plus gros hits à la maison. Les plus gros hits en voiture. Les plus gros hits au travail. I guess you look happier, you do. Énergie. C'est la playlist Énergie. Playlist Énergie. Hit music only. Comment te dire adieu ? Tu nous accompagnais partout, à la mer, chez mamie. Avec toi, c'est une part de nous-mêmes qui s'en va. Mais tu fumais et tu toussais tellement. On n'avait plus le choix. C'est pour ça qu'on t'a emmené chez Ford. Action prolongée jusqu'au 31 octobre. Laissez votre vieux diesel chez Ford et recevez jusqu'à 8000 euros de prime environnementale à l'achat d'un modèle essence, hybride ou diesel nouvelle génération. Et même 5 ans de garantie. Ensemble, rendons le monde un peu plus propre. Ford. Go further. Infos et conditions sur Ford.be. Fans de beauté et de make-up, ouvrez grand vos yeux. Tous les mascaras sont à moins 20% chez Planète Parfum jusqu'au 28 octobre. Planète Parfum, fans de beauté. Aussi sur planeteparfum.com. Ah, mes premiers kilomètres, j'avalais les montées comme les faux plats avec une facilité déconcertante. Mais à ce rythme, je me suis vite fatigué. Alors on m'a rechargé, je suis reparti sur des routes de campagne et des chemins escarpés qui m'ont finalement crevé pour de bon. Rapportez aussi les batteries usagées de vos vélos électriques dans un de nos points de collecte. Bébat leur donnera une nouvelle vie. Bébat. Recycler ensemble, c'est mieux pour la nature. Chez Cora, plus de 60 produits 1 plus 1 gratuit et une foule d'autres offres complètement dingues. Un choix comme ça, c'est chez Cora. Ou chez Cora, conditions en magasin. Dans un instant, on parle de Yellowstone. On va écouter David Guetta et Anne-Marie. Un petit point sur les routes juste avant avec Aurélie. Ah, ça bouchonne déjà sur le 411 au sud du pays. Comptez 32 minutes en plus entre Stockheim et Sterpeniche. Sterpeniche. Sterpeniche. Courage les copains. Now why you're sitting on my chest? I don't know what I'd do without your comfort. If you really go first, if you really left. life today. With or without you, like night and day. We didn't repeat every conversation. Being with you every day is a Saturday, but every Sunday you got me pray. Don't you ever leave me, don't you ever go. I've seen it on TV, I know how it goes. Even when you're angry, even when I'm cold. Don't you ever leave me, don't leave me alone. Don't leave me alone. Never see your face light up my phone. Never see you singing Tiny Dancer. Every time my head hurts, every time I'm low. 'Cause I don't know if I would be alive today. With or without you, like night and day. Everything about you uncomplicated. Here with you every day is a Saturday, but every Sunday you got me praying. Don't you ever leave me, don't you ever go. I've seen it on TV, I know how it goes. Even when you're angry, even when I'm cold. Don't you ever leave me, don't leave me alone. Don't leave me alone. Don't you ever leave me. Don't you ever go. Don't you ever leave me. No. Don't you ever leave me. Don't you ever go. I've seen it on TV. I know how it goes. Even when you're angry. Even when I'm cold. Don't you ever leave me. Don't leave me alone. Don't you ever. Sur Énergie, on vous souhaite une belle journée. Avec Alvaro Soler dans un instant. Et là, on part du côté des États-Unis. Yellowstone. Yellowstone, c'est là en effet où, comme tu disais, Tiffany, il y a des geysers. Quel est le concept de geyser? Bah, c'est de l'eau chaude qui sort du sol. C'est bien. Ah, c'est ça. Mais grossièrement dit, tu vois. T'es intelligente, en et fait. Et t'as vu, j'ai pas l'air, mais quand même. Hein. En effet, on va parler des geysers de Yellowstone. Parce qu'en fait, ils ont jailli. Donc, ils ont ébullitionné, quoi. Ils ont geyseri. Voilà. Le mec invente des expressions. Je fais du néologisme. Oui, c'est ça, oui, c'est voilà. Je trouve le dictionnaire pas assez complet, alors je complète. Et tu demandes l'avis à personne. Exactement, monsieur. Un geyser de Yellowstone qui a jailli et il a éjecté des déchets jetés par des touristes il y a plus de 80 ans. C'est-à-dire que les mecs sont venus visiter Yellowstone, ils ont fait des photos. Ils avaient des plastiques, des canettes, des tout ce que tu veux. Oh. Ils ont jeté ça donc dans le geyser. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Bah, à cette époque-là, il n'y avait pas tout ce qu'il y a maintenant. À cette époque-là. Non, mais on ne faisait pas aussi attention, j'ai l'impression. Oui, et bah même moi, je le dis, coup de gueule, pas content ce matin. Pas content. Mais non, mais c'est vrai, sans déconner, il faut prendre soin de notre planète, quoi. Ben ouais, clairement. Je suis désolé, à cette époque-là, il y avait déjà des poubelles. Hein. Ça n'a pas été inventé en 2010. Monsieur Poubelle est né en 1782, madame. Ah, toi aussi, t'as l'air intelligent, quand même. Le clash. Vous savez quoi? Je vous laisse le coup de gueule ce matin. Vous avez un coup de gueule à passer. On peut pas démarrer une journée avec quelque chose, tu vois, qui nous chagrine un petit peu, qui nous énerve. Ouais. Ça m'a énervé, ça. Vraiment, je vous jure, ça m'a énervé. Comment des mecs peuvent tout pourrir, quoi. Il y en a plein, il y en a partout. Hein. Des fois, faut même pas aller aux États-Unis. Hein. Au coin de la rue, il y en a. Ah oui. Et à la maison même. Voilà, maison. Ah, moi je me suis réveillé de bonne humeur et là je suis pas content. Pas content. Oh, qu'est-ce qui t'arrive, c'est quoi le coup de gueule? Ah mais ma nana, ben tu sais, je dois être convoqué pour être assesseur. Assesseur, oui. Je dois répondre à un courrier très important. Je le trouve plus. Elle l'a acheté. Je suis sûr, elle l'a acheté. Et tu sais quoi? La meilleure, c'est que les poubelles, il fallait les sortir hier soir. Donc ce matin, je me suis réveillé, je me suis dit super, je vais devoir aller fouiller dans la poubelle, dans la rue à 5h du matin. Alors je suis pas content. Pas content. Pas content. Pas content. Pas content. Sinon, j'aime pas les mecs qui sortent la clope le matin au boulot. Ok, voilà, ah, voilà. On passe à ce mec deux fois voilà. Pas content. Tiffany. Ah ben moi, écoute, c'est arrivé. Tu coupes de gueule. Ouais, c'est arrivé. Oh bah oui, toi, t'es direct, t'as vu, elle a un truc à dire. Ah ouais, c'est arrivé ce matin. Les camions qui sont sur la première bande sur l'autoroute et qui dépassent un autre camion. Tu roules à 90 et tu dépasses un autre camion qui roule lui aussi à 90. Et, et tu bouches les deux bandes, quoi. Et alors, t'as file de voitures derrière. Évidemment, nous, on attend. Si t'es pressé, c'est évidemment... Mais ce tu t'es vu toi au volant. Mais oui, mais c'est sans déconner. Et toi, mais t'es la même chose qu'avec les voitures. Tu sais qu'heureusement qu'elle a pas un camion, ça ferait trois camions en ville. Mais toi, t'es la même chose, mais en voiture. Mais tu non. dépasses des gens à 110 km/h alors que tu fais 108. Mais parce que vu le prix de l'essence, vaut mieux faire attention. Eh ben, pas content. Pas content, pas content, pas content, pas content. Ah mais non, mais ça a été une plaie sur la route, je te le dis quand même. Ouais, à mort. Fisco, le pas content du jour. Ouais, moi c'est le... Après ça va être un peu général, mais le prix de l'essence, moi j'en peux plus. En fait, comme j'habite loin, enfin j'habite Charleroi, tu du coup... Tu peux le dire, je fais Charleroi. Ouais, mais... Non mais je suis fier de Charleroi, il n'y a pas de problème. Non mais comme j'habite Charleroi, bah, je fais beaucoup de kilomètres, du coup je fais les allers-retours et tout. Et donc ça me fait genre un plein par semaine. Mais vous imaginez, un plein par semaine, à ce prix-là, je suis malade. Ça fait le prix d'un appart ici, hein. C'est vrai, ça fait un loyer. Hein. Ouais, mais non, pas trop. Quand même. Ouais, c'est vrai, c'est très très très cher. Ah ouais, tant qu'on est dans le même délire, moi c'est les opérateurs téléphoniques. J'en peux plus. Je vais pas le citer, pas hein. Mais alors Proximus, mon pote. Non mais c'est tous. Moi, je suis chez B. Ils sont tous dans le même panier, quoi. Vous, pareil. Enfin voilà, et tous, c'est de la. Voilà, très cher. C'est là très cher. Mais le pire, c'est que comme on regarde les chaînes françaises, etc., oui. On voit eux leur promotion dingue à 1€, t'as un iPhone. Là, tu fais, mais pourquoi? Tu sais qu'un jour, j'ai passé une soirée avec des Français, je te jure, je me la suis pété. Je dis, ouais, moi j'ai un téléphone belge, je paye deux fois plus que vous. Et nous, on est riches. Aurélie Darénac. Ah ouais, mais moi aussi, je suis pas contente, hein. Quoi? Bah, quand t'as envie d'une mousse au chocolat ou d'une glace, t'es obligé d'acheter le pack familial. Oui, ça c'est vrai. C'est vrai. Mais moi, je te soutiens. Ça dérange pas Frisco. Bon, non, c'est vrai. Ça va. Je regarde pour les jours après, quoi. Et je me dis, ils sont là, j'ai quand même bien les manger, tu vois. Pas gaspillage. Gaspillage. Ah, c'est vrai que c'est... On pète des câbles, je vous le dis. On va consulter un médecin, c'est il est temps. C'est la fatigue. 6h23, bienvenue sur Énergie. Cuando anda, va causando impresión. Cada día cuando levanta, brilla como el sol. Su vestido de seda, calienta mi corazón. Como en una novela, en la televisión. Necesita tu ayuda, no lo tengo en las venas y no la puedo controlar. Creo que mi cintura choca con mi cultura, tropiezo con la arena, ya no me puedo controlar. Y bajando, bajando, olvidando, olvidando que estoy bailando, bailando, y así está el amanecer. Porque mi cintura necesita tu ayuda. Porque no bajamos a la playa para así practicar pronto por la mañana y así no hay nadie más. Cuando bailo contigo tu cuerpo me da calor, besito a besito mi fruta de la pasión. Me acerco a ti, bailemos, juguemos. Necesita tu ayuda, no lo tengo en las venas y no la puedo controlar. Y bajando, bajando, olvidando, olvidando, estoy bailando, bailando, y así hasta el amanecer. Porque mi cintura necesita tu ayuda, no lo tengo en las venas, voy a aprender a controlar. Y bajando, bajando, olvidando, olvidando, estoy bailando, bailando, y así hasta el amanecer. Mi cintura, cintura, Anne-Marie et Major Lézor. Et là, j'ai 2000 euros de vacances pour vous, si ça vous dit. Vous gagnez 2000 euros de vacances dans le 6-9 sur Énergie. Si ça vous dit. J'oblige personne. Hein, je veux dire, ça. Voilà. Bah, on n'est pas forcé de partir en vacances, mais c'est quand même pas mal. Ah, on est d'accord. Place. Je ne me poserai même pas la question. 2000 euros de vacances pour aller à la plage ou à la montagne. Vous choisissez la destination. Il suffit de vous inscrire. Vous envoyez maintenant vacances par SMS au 6018. Vacances par SMS au 78. C'est 1 euro le message envoyé et reçu. Et à vous les montagnes, à vous la plage, à vous tout ça, le soleil. À vous les vacances. Ouais, c'est vous qui choisissez. Hein. Ouais, on fait rien, on vous donne ça. Et vous débrouillez avec. 2000 euros de vacances maintenant. Vacances au 78. Bonne chance. Tant que j'ai l'audace de tenir la main de l'autre pour aimer le temps qui passe. Dans tout ce que je fais, la rage et l'amour s'embrassent. Qu'elles soient miennes ou qu'elles soient vôtres, la vie nous dépasse. Que vendrá, yo escribo mi camino sin pensar, sin pensar dónde acabará. Dans mes joies, dans mes peines, dans mes choix, dans mes larmes, je laisse aller mes sentiments. Au mieux on écrit son chemin comme on se soigne pour aimer indifféremment. Sur les sables mouvants d'un passé qui s'effondre, je me raccroche à ce que j'aime. Prenons soin de chaque seconde, les heures prendront soin d'elles-mêmes. Que vendrá, que vendrá. Escribo mi camino sin pensar, sin pensar. Que vendrá, escribo mi camino que ya me he encontrado y sé que debo continuar. Avec Big Mat, construire ou rénover par tous les temps. Dans un instant, Rudimental, Major les Oriane, Marie qui va arriver sur Énergie. Il y a le défi du 6-9 aussi, comme tous les mercredis. À 6h35, avant ça, un petit point sur la météo pour aujourd'hui. Un temps sec et ensoleillé avec des températures dignes de l'été entre 18 et 24 degrés. On s'informe, 6h31, l'actu de ce mercredi 10 octobre et c'est avec Aurélie Adam. Bonjour Aurélie. Bonjour Marco, bonjour à tous. Je vous le disais hier, le réseau des textes sera totalement gratuit ce dimanche à l'occasion des élections communales. Eh bien, la SNCB va aussi proposer la gratuité. La société prévoit un billet électeur. Il sera accessible à 4 catégories de personnes. Il y a l'électeur qui n'habite plus dans la commune où il doit voter. Il y a l'étudiant qui ne vit plus chez lui pour ses études. Il y a aussi les personnes qui séjournent à l'hôpital. Et enfin, il y a l'électeur qui travaille à l'étranger ou dans une autre commune. Le billet spécial est disponible en gare ou dans le train sur présentation de la convocation et de la carte d'identité. EDF Luminus va relancer sa centrale électrique de Serein. Le fournisseur d'énergie va la relancer le 15 octobre. C'est deux semaines plus tôt que prévu. Cette centrale turbine gaz-vapeur devrait permettre de faire face au risque de pénurie d'électricité annoncé pour cet hiver. Je vous rappelle que la Belgique pourra bénéficier du soutien de l'Allemagne et du Luxembourg. Réduire les émissions de CO2 des voitures neuves, c'est l'idée des ministres européens de l'Environnement. Hier, ils sont parvenus à un accord. Ils veulent réduire les émissions de 35% entre 2020 et 2030. Pour y parvenir, les constructeurs devront faire des efforts pour vendre plus de véhicules propres, comme par exemple des voitures électriques. Enfin, en sport, notre équipe nationale féminine de football n'a pas réussi à se qualifier pour la Coupe du Monde. Hier, les Red Flames ont fini sur un partage 1-1 face à la Suisse. Ce n'est pas suffisant. La Coupe du Monde pour dames aura lieu l'année prochaine en France. Les jours Fnac sont de retour. Dès ce vendredi, profitez de réductions allant jusqu'à 30% sur les CD, DVD, jeux vidéo, TV, Fnac, libérez votre curiosité. Offre soumise à condition. C'est la première fois que vous venez ici? Non mais vous êtes fous. Vous faisiez comment pour vous réveiller avant? Le 6-9 sur Énergie. Ah oui, ça c'est du réveil mon pote. Dans 6h33, bonjour. Bonjour. Le 6-9 est là, tous les fifous du matin sont là. Vous venez de nous retrouver aussi sur Instagram, les fifous du 6-9 sur Énergie. On est bientôt à 8000, on compte sur vous les copains. As I walk through the world, so many things I see. And then I say to myself, it's never as it seems. Cause I am the one, I rule my world. Nobody rule my destiny. Cause you are the one, you rule your world. No bad man on your destiny. Leave me alone, let me live my life. Leave me alone, let me live it up, live it up. Leave me alone, make I live my life. Leave me alone, make I live it up, live it up. Leave me alone. Cause you are. Leave me alone, let me live my life. Leave me alone, let me live it up. et Ralid dans la suite des Naïdes. Oula. Ça va sinon toi? Allez, je redémarre la machine. Ocean avec Martin Garrix et Ralid, c'est ce qui arrive pour la suite. Ça va faire du bien ça ce matin pour se réveiller, je vous le dis. On écoute ça dans quelques minutes. Avant ça, 6h35, c'est le retour du défi du 6-9. Et ce matin, un défi qui change un peu. On va jouer au perroquet. Le perroquet, c'est simple. Okay. On va appeler n'importe où en Belgique, un commerce, quelque part en Belgique. Okay. Et il va falloir en fait répéter ce que la personne dit, le perroquet quoi. Ah oui, purée, je faisais trop ça quand j'étais petit. Et le but c'est de voir qui va tenir le plus longtemps possible. Voilà, okay. Comme dirait Amir, je voudrais que ça dure longtemps. Et ben, je voudrais que ça dure longtemps. Et ben on va voir ça dure longtemps ce matin. Défi du 6-9, de Corbeil, off de Corbeil, fort de tirage au sort. On va, oui, puisqu'on garde le tirage au sort. Petit papier. Attention, étouille. Et vous allez vous affronter ce matin, j'en prends deux. Ça, vous allez faire un affrontement. Et le premier, ça sera... Mais Jérém ! Oui ! Mais oui ! T'es prêt ? T'es prêt ? Ah, il a l'air prêt. Il a l'air prêt. Ça va être insupportable, Loulou. Ça va être insupportable, je vous dis. Arrête ! Très bien. On appelle en Belgique, on va appeler un night shop, tiens, mon Jérém. Un night and day. Ou un matin shop. Ouais, c'est parce que j'allais dire un night and day. Ils sont ouverts à 6h. Oui. Il y en a même qui sont ouverts 24h sur 24. Et ben voilà. On va où? On va du côté de Anu, monsieur Jérém. Ok. Voilà. Pas fourché sur le truc. Hein. Anu, tu dois tenir un maximum de temps, le plus longtemps que tu puisses tenir, quoi, tout simplement. Ok. C'est parti. Et donc, perroquet, tu répépètes. Hein. Tu répépètes. Oui, allô ? Oui, allô ? Oui ? Oui ? Allô ? Allô ? Oui, allô ? Oui, allô ? Je vous écoute ? Je vous écoute ? Ah ! Excusez-moi, j'entends plus rien. Excusez-moi, j'entends plus rien. Non ! 25 secondes, c'est pas mal. 25 secondes. Mais Frisco, tu peux faire mieux. Ah, c'est moi le deuxième. Tu n'as même pas au sort, choisis direct. Frisco, est-ce que tu te sens capable de faire mieux? Est-ce que tu te sens capable de faire mieux, évidemment. Oh, il m'énerve. Ouais, c'est bon. Le perroquet. Bonne de merde. On appelle. Bah tiens, on va appeler chez toi, mon pote. Ok. On appelle à Charleroi. On va, bah pareil, à Night and Day. Ouais, eux, ils vont sûrement pas comprendre à Charleroi. J'essaie de tenir un maximum de temps aussi, mon Frisco. J'étais champion du monde quand j'étais petit. C'est vrai? Ouais. De ça, de perroquet? Ouais, à mort. Eh ben, c'est ce qu'on va voir. Charleroi, tu essayes de tenir plus longtemps que Jérém, à savoir plus de 25 secondes. Sinon, ça va pas le faire du tout. Allô? Allô? Allô? Allô? Oui? Oui? Oui, je vous écoute. Oui, je vous écoute, oui. Ah, c'est vous qui m'appelez? Ah, c'est vous qui m'appelez? Ah non, il y a un problème alors. Ah non, il y a un problème alors. Ah non! Combien? Mais t'as fait 25 secondes! Oh, égalité! Allez, on est tous les deux des champions! Ouais! Ou t'es les deux des cons! Tu peux aussi, oui. Et ben, 25 secondes. Et ben, vous savez quoi? On va faire un nouveau truc dans le défi du 6-9. Ah bon? Nous allons prendre un tableau et nous allons noter que pour l'instant, le record, c'est 25 secondes. Du perroquet, c'est 25. On fera pas perroquet à chaque fois, on fera d'autres trucs, mais le plus longtemps au téléphone. C'est ah 25. Ouais? Ok. If you're so it's taking love, we'll come for you for sure. If we're caught in a wave, I will carry over. It don't matter where you are, I'll run to your front door. You're my echoes in every direction. You don't have to question if I'm my aunt, where we are. You could put an ocean between our love. It won't keep us apart. You could build a wall, I would run it up just to get to your heart. If we're caught in a wave, maybe we'll make a way. You could put an ocean between our love. It won't keep us apart. finding to you. If we're caught in a way, if I will carry you over, it don't matter where we are, you're still the one I chose. When my head goes in different directions, you know my heart's never on the move. And in the dark times, you don't have to question if I'm a heart where we are. Sur Énergie, Jack Jones. On va vous jouer ça sur Énergie dans un instant. Et je vous envoie au soleil ou à la montagne, à vous de choisir. Vous gagnez 2000 euros de vacances dans le 6-9 sur Énergie. Vous pouvez choisir entre la montagne ou alors la plage, soleil ou la neige. C'est un peu ça. Bien qu'on peut faire montagne au soleil aussi. Hein. C'est vrai. Bah, tu sais, quand tu pars skier, parfois, il y a plein soleil. Hein. C'est vrai. Oui, de sous ce côté-là, oui, évidemment. Oui. Et c'est vrai, et j'ai déjà fait ça, skier en t-shirt, c'est mon pote, c'est le bonheur total. Ouais. Ah, vraiment, quand t'es en combi et que t'es en t-shirt et que tu bronzettes là. Le mieux, c'est vers Pâques. Tu sais, en avril, il y a encore de la neige, mais il fait très bon. C'est vrai. Il faut faire gaffe qu'il n'y ait pas trop de fonte de glace quand même, mais voilà, mais vous partez. Et il y a beaucoup de gens qui font que boire des coups en fait. Tu vois, ils font pas skier. Ils se mettent en restaurant d'altitude et ils font que ça. Ouais, un peu bon cas. Ah bah j'adore, moi j'appelle ça le ski balade. En fait, tu montes et tu descends en fin de journée. Le plus haut possible. Restaurant, voilà. Petite descente, restaurant. Petite descente, bah. Et après, après, j'ai plus si descend ou si bon. Et après, je fais de la luge. Avec mes skis. Vous partez à la montagne ou à la plage, à vous de choisir. 2000 euros de vacances pour vous ce matin. Il suffit de vous inscrire. Vous envoyez vacances maintenant. Vacances par SMS au 78. C'est 1 euro le message envoyé et reçu. Et peut-être qu'on vous appelle à 9h et on vous annonce la bonne nouvelle pour bien démarrer la journée. Vacances au 78, 100 euros le message envoyé et reçu. Bonne chance et à tantôt. C'est le 6-9. Vos stars préférées reviennent toutes à Cannes le 10 novembre pour la plus grande cérémonie musicale en Europe. Ça va à Cannes ? Les nommés sont... Votez maintenant pour vos artistes préférés sur energy.be. Les Energy Music Awards 2018, le 10 novembre à Cannes, en direct sur TF1. Energy, hit music only. Proximus Business présente Anouk, coach sportif. Alors Anouk, racontez-nous, pourquoi vous faites ce boulot? Parce qu'on me demandait toujours des conseils et j'avais envie d'aider les gens à être bien dans leur corps. Et vous n'avez jamais besoin de conseils? Ah si, pour mon site web, j'avoue que je rame un peu. Je sais pas trop comment faire. C'est pourquoi Proximus Business vous propose BizOnline, votre site internet créé, géré et référencé avec l'aide d'un expert Proximus. À chacun son boulot. Plus d'infos sur proximus.be/bizonline. Hey Paul ! Salut ! Comment ça va les affaires ? Super ! J'ai enfin trouvé l'aide qu'il nous fallait au travail. Incroyable, tout avance plus vite, efficace, flexible, ah non, vraiment, un atout pour l'entreprise. C'est fou ce qu'ils inventent en Chine aujourd'hui, hein ? Kimberly ne vient pas de Chine. Ah, c'est une marque anglaise alors ? Mais non, Kimberly, c'est notre nouvelle intérimaire de chez Tempo Team. Ah bon ? Ah bah garde-la alors si elle est bien. Ah ouais. L'expérience, tout le monde veut travailler avec Tempo Team. Découvre tous nos jobs près de chez toi sur tempoteam.be. Tempo Team ! Papa, il y a une action TVA chez Tom & Co. Ça veut dire quoi, TVA ? TVA, ben ça veut dire Toutou va adorer. Ah, c'est ça. Ben oui. Ce samedi 13 octobre, vous ne payez pas la TVA chez Tom & Co. C'est le moment d'acheter tout ce dont vous avez besoin. Samedi 13 octobre, la TVA, c'est cadeau chez Tom & Co. Conditions en magasin. Tom & Co, votre animal et vous. Les technologies innovantes Audi, testées pour les professionnels. Des écrans tactiles intelligents, parce que vous aimez toucher à l'essentiel. Un assistant de conduite adaptatif, pour toujours mieux anticiper l'imprévu. La transmission Quattro, pour prendre vraiment de la hauteur. Jusqu'au 31 octobre, venez tester les technologies innovantes Audi chez votre distributeur et profitez de conditions exceptionnelles pendant les Audi Business Days, avec un avantage client allant jusqu'à 5 512 euros sur les Audi Business Editions. Rendez-vous sur audi.be. J'ai une amie qui est spécialiste des enfants. Elle sait exactement quoi faire pour obtenir le silence. Les enfants, si vous êtes sages, ce mercredi après-midi, je vous offre une paire de chaussures chez Luxus. Ouais ! Oui, enfin, quand je dis spécialiste, elle débute. Chaussures Luxus. Alors, joyeux ? Aussi sur luxus.be. L'envie d'une nouvelle cuisine ne vous quitte plus ? En ce moment, Ego vous offre le montage de votre nouvelle cuisine et un électro au choix. Ego. La cuisine de ma vie. Cette semaine, dans votre magasin Léonidas, à l'achat de 25 euros de praline, recevez gratuitement un ballotin sélection maître chocolatier. Léonidas, la boîte à bonheur. Aldi et ce que certains en disent. On entend souvent, moi je ne fais jamais mes courses chez Aldi, ils n'ont pas mes marques préférées. Et moi j'y tiens, parce que je veux que la meilleure qualité. C'est bizarre. Parce que chez Aldi, nous faisons justement tout pour que nos produits ne soient pas moins bons que vos marques. La preuve, dans des tests de dégustation et en labo, nos produits ont fait au moins aussi bien que vos marques. Toujours pas convaincu? Découvrez les résultats de tous nos tests sur qualitéprouvée.be ou encore mieux, comparez-vous-même. Aldi, aussi bien que les grandes marques. Regarde-tu là comme il est bien fait. Ah oui, moi j'aime bien quand ils sont matures. Je le savais. Plus de 500 fromages de chez nous, à chacun son caractère. Une initiative de l'APACW. Dans un instant, c'est Jack Jones qui va arriver sur Énergie côté Hit. On va jouer au Maximo. Un petit point sur les routes ce matin, Aurélie. Ça se passe plutôt bien, sauf au sud du pays, sur le 411. Comme tous les jours, il y a des bouchons. Aujourd'hui, 34 minutes en plus entre Stockholm et Sterpenich. Merci. Hello, you there? Hello, you there? What you gonna do? If you take me out tonight, I know you can change my mind. Yesterday we were over, but today I'm feeling closer to you. Ring, ring. Hello, you there? Real talk, you got me going crazy. Hello, you there? Are you out somewhere with your baby? Hello, you there? Real talk, you got me going crazy. Hello, are you there? You there? You there? Ring, ring. Are you there? With another, if you make it out alive, ooh, maybe you can make this right. Maybe you can make this right. Oh. You said you were home, but I saw on your story you're out till the morning, not alone. Mm-mm. So now you're gonna call, ring, ring. Hello, you there? Sur Énergie, LMFAO à suivre avec Party Rock on Them. Avant ça, voici le Maximo. Maximo, Maximo, Maximo, Maximo, Maximo, Maximo, Maximo, Maximo. Le concept du Maximo, c'est assez simple. Vous allez avoir 30 secondes pour faire deviner un maximum de mots à des fifous qui sont avec nous ce matin, l'équipe. Ok, okay, on est là. Il y a notamment Monia qui vient jouer, c'est ça? Qui est Monia? Oui, c'est Monia qui travaille comme infirmière indépendante du côté de Nivelles. Elle est mariée, elle a trois enfants, Tanguy, Idriss et Erin. Et puis quand elle a du temps, elle aime sortir avec ses copines au ciné, au resto. Et elle regarde des séries et le meilleur pâtissier quand elle a ses enfants. Mais oui, elle a tout à fait raison. Bonjour Monia. Bonjour tout le monde, bonjour l'équipe. Bonjour. Salut, Monia. Voilà, bienvenue Monia. Tu es notre candidate numéro 1 pour ce Maximo ce matin. Number one. Et du coup, eh ben, tu, par cette même occasion, cette même opportunité, tu as le choix de pouvoir. Oula. Il a la bord son français, monsieur Marco. Tu peux choisir quelqu'un de l'équipe. Il y a Jérém, il y a Frisco, ou il y a Tiffany, ou il y a. Surtout, on va s'arrêter là. C'est déjà pas mal. Eh ben, mes enfants veulent Frisco. Frisco, eh ben, ils savent pas ce qu'ils font tes enfants. Ouais, c'est ça, tes enfants sont complètement dingues, Mounia. Mais comme lui. Voilà. D'accord, c'était moi qui venais de parler. Comme lui. Mounia, tu joues donc avec Frisco ce matin. Et on a qui d'autre? Monia va jouer contre Virginie qui travaille comme indépendante dans le domaine des finances. Elle a 4 enfants à la maison, ce qui l'occupe à plein temps. Et donc, les situations de crise, elle connaît bien. Ah bah. Bonjour Virginie. Bonjour tout le monde, bonjour les fifous. Bonjour Virginie, 42 ans, sois la bienvenue ce matin ma chérie. On va jouer avec toi, tu es notre candidate numéro 2. Number 2. Moi je suis la numéro 1. Number 2. Et aussi numéro 1. Et Monia. Numéro 1 bis. Oui c'est ça, numéro 1 numéro bis. Numéro 1 bis, voilà on va faire ça. Bien vu les gars. On a le 1A et le 1B. Voilà c'est ça. Eh bien Virginie, tu choisis qui pour jouer avec toi ce matin? Il reste Jérém. Eh ben voilà. Oh là, direct. Ça, c'est la pression. Ça c'est direct. 30 secondes. Je vais t'avoir. Jérém aura 30 secondes pour te faire deviner un maximum de mots, Virginie. Frisco aura 30 secondes pour te faire deviner un maximum de mots, Monia. Moi j'ai confiance en Monia. Celui qui devinera, ou enfin celui ou celle, hein, qui devinera le. Enfin là pour le coup c'est celle. Celle qui devinera le plus de mots, eh ben gagnera cette partie. Ok. Et donc c'est Frisco et Monia qui commencent. Et donc ça va être un A, un mec, toi t'es même t'es pas. Deux B, hein. T'es un B. Qu'est-ce que le B va devenir A, tu vas voir ça. Bon, on vous le souhaite. Frisco, ouais. Monia, okay. On y va, 30 secondes, un maximum de mots à te faire deviner. Ouais. Frisco, tu es prêt? Ouais. C'est parti. C'est un truc où il y a les trois coups, tu vois. C'est, on peut aller voir des spectacles. On peut aller voir des spectacles, c'est un. On peut aller voir des spectacles. Ouais, ouais, parfait. C'est là où pousse un fruit avec un noyau à l'intérieur, des petites tiges. On en a qu'en été, je pense. Non, ou en hiver, je sais plus. Ouais, c'est des petits fruits rouges. Des petits fruits rouges. Non, des petits fruits rouges avec, avec un noyau. Ouais. C'est ce que tu fais aux toilettes, la grosse commission. Popo. Ouais, caca, c'est pareil. Hein. Non, c'est pas pareil. Ah, si, c'est pareil. Non, c'est pas pareil. Bah, le mot. De toute façon, c'était mais parce que Mounia n'ose pas. Mais parce que Mounia n'ose pas dire caca en oui, bah oui, c'est bon, on a compris, merci. Mounia bah, n'ose pas dire caca. Bah ça va, on a compris. Et bah Mounia. Non, caca, c'est un truc que tu peux dire. Attention, les gars, il va y avoir de la gagnotte. Mounia, ça fait 3 mots, j'accepte quand même le popo à la fin. Ça fait 3 mots pour toi, Mounia et Frisco, c'est bien joué. Jérém, Virginie. On est avec vous, les copains, ce matin. Virginie, je crois en toi. Oui. Ben, moi, je crois en toi aussi. Attention, Virginie, Jérém, 30 secondes. C'est parti. C'est le bruit que le chien fait. Il fait. Le chien, il fait il quoi aboie. Il aboie. Oui, mais fais le bruit. Un aboiement. Fais le bruit. Un aboiement. Non, fais le un bruit. Mais... Voilà, merci. C'était ouf, ouf. On vous offre des vacances, soit à la plage, soit à la. À la montagne. Oui. Montagne. Allez Virginie, continue. Oui. Les enfants, ils aiment se rouler dans la boue. Oui, dans bien. Dans l'herbe. Non, dans la boue, c'était ça. Le dimanche, on mange des, c'est rond, c'est plat, on met du sucre dessus, c'est super bon. Des crêpes. Oui, bien Virginie. Oh. Ouais. C'est fini, c'est gagné pour Virginie. Ah bravo les filles, bravo. Tu peux refaire le wouf wouf. Wouf wouf. Eh ben bravo. Eh ben on est désolé Monia. Eh ben tu sais quoi Monia, je t'offre quand même une compile énergie pour toi pour être venue ce matin de très tôt avec nous. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et Virginie, t'as le choix entre la compile énergie, les 4 places de ciné ou l'enceinte Bluetooth 6.9. Qu'est-ce qui te ferait plaisir Virginie? Bah, je vais prendre les places de ciné pour aller avec toute ma famille pendant les vacances. Eh ben, 4 voilà. Places de ciné pour toi, Virginie. On t'envoie ça à la maison. On te souhaite une belle journée. Bisous. Belle journée, Monia. Bisous. À vous aussi. Bonne bisous. Journée. Bisous, bonne les filles. Bisous. I'm shuffling. Jonas Blue avec Rise. C'est la suite des sur Energy, ça arrive dans un instant. 6h57, l'équipe. J'ai une nouvelle pour vous, votre vie va changer ce matin. Ouais, ah ouais. Terrible, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Non, ah non, non, ah, non, pas dans ce sens-là. Non, je serais vous, je ne serais pas satisfait de cette histoire. Oh, nous allons dans un instant faire un nouveau jeu, ça s'appelle le quiz de la dignité. C'est quoi encore ça? Il va falloir garder votre dignité ce matin, j'ai des dossiers sur chacun d'entre vous, mais sachez-le. Et comment t'as eu ça? Oh, je connais vos familles, je connais vos amis, ce sont des traîtres. Ils m'ont tout donné. J'ai des photos, mais alors des photos les copains, des photos de dossiers vraiment sur chacun d'entre vous. Vous allez pouvoir venir jouer avec nous ce matin et tenter de faire tomber un dossier sur quelqu'un de l'équipe. Ça sera publié sur les réseaux sociaux à vie. Non. Le quiz de la dignité, c'est vous qui jouez avec nous, c'est dans un instant. Vous envoyez jeu par SMS au 6018, jeu au 78 pour venir jouer avec nous, tenter de gagner du cadeau et surtout tenter de faire tomber un dossier sur quelqu'un de l'équipe ce matin. C'est pas super drôle. Hein. J'adore la tête de Frisco. J'aime pas trop beaucoup ça. Et alors, si vous voyez les photos que j'ai, fuyez. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki taki, taki taki rumba. Whoa, oh, oh, oh, oh. I music, I flows. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki taki, taki taki. Pude explotar como Nagasaki. Prende los motores Kawasaki. En la discoteca Jenny llegaron los Anonaki. No le baje. El puri sobresale de tu traje. No trajo panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe. Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje. El puri sobresale de tu traje. No trajo panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe. Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje. Báilame como si fuera la última. Enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki taki, taki taki rumba. Comienza la son como porque I am the party. Es una fiesta. Blow out your candles and have a siesta. They can try, pero no one can stop me. What my taki taki wants, yeah, my taki taki gives. Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki taki, taki taki rumba. Peugeot présente le choix des experts. Si un expert en sécurité devait équiper votre utilitaire, il choisirait la caméra de recul, l'Active Cruise Control et toutes les options pour travailler en toute sécurité. Pour ça, il irait chez Peugeot. Tout comme un expert comptable, mais pour d'autres raisons. Tous les experts vous recommandent Peugeot. Recevez jusqu'à 9 300 € d'avantage sur un Peugeot expert et profitez de l'offre 50-50 avec 50% de remise sur 100% des options. En plus, il vous attend déjà dans le réseau Peugeot. Offre soumise à condition. On démarre une nouvelle heure de hit, une nouvelle heure de rigolade. La bonne humeur du 6-9, il est 7h, bienvenue. Énergie. Avec Big Matt, construire ou rénover par tous les temps. Dans un instant, c'est Jonas Blue qu'on va écouter côté hit. On va parler de Banksy aussi, l'artiste qui a fait parler de lui dernièrement. Avancez un petit point sur la météo pour aujourd'hui. Un temps sec et ensoleillé aujourd'hui, entre 18 et 24 degrés. Ouh là là, c'est moche, tu fais les infos aujourd'hui. Oh, vous êtes pas gentil. C'est magique. L'actualité de ce mercredi 10 octobre à 7h, c'est avec Aurélie Adam. Bonjour Aurélie. Bonjour Marco, bonjour à tous. La lutte contre la violence et le harcèlement est une priorité pour la ministre de l'Éducation. Marie-Martine Schinz va ouvrir des séances de formation pour les éducateurs, éducateurs du fondamental et du secondaire qui sont en fonction depuis au moins 5 ans. La formation va durer 2 jours. Les éducateurs apprendront différentes stratégies pour prévenir, gérer et résoudre un conflit ou une situation de violence. Dimanche, ce sont les élections communales. Si vous avez des soucis de transport, je vous rappelle que le réseau des techs sera totalement gratuit. Pareil, à la SNCB, la société prévoit un billet électeur. Il sera disponible en gare ou dans le train sur présentation de la convocation et de la carte d'identité. On termine avec du sport et du football. Notre équipe nationale féminine n'a malheureusement pas réussi à se qualifier pour la Coupe du Monde. Hier, les Red Flames ont fini sur un partage 1-1 face à la Suisse. La Coupe du Monde pour dames aura lieu en France l'année prochaine. Vous cherchez une habitation durable et abordable dans un quartier agréable? Venez découvrir les quartiers Matexi de Wallonie et Bruxelles sur matexi.be. Matexi, bienvenue chez vous. Il est 7h04 sur Énergie. Bonjour! Bonjour! Barbra Streisand. On est sûr que tout va bien chez vous ce matin. Une belle journée qui démarre, c'est mercredi, c'est le milieu de la semaine. Ça, c'est un bon signe, ça. Ouais, ah, trop bien. Ah oui, milieu de semaine, c'est ce qu'il faut se dire, c'est courage. Encore deux et on est tranquille. Ouais. Enfin, trois en comptant aujourd'hui. Ouais, ouais. Allez, on ne compte pas, ça fait deux. Oui, c'est ça. Toute l'équipe est là, il y a les fifous du matin qui sont là, il y a Jérém. Coucou! Il y a Frisco. Coucou! Salut tout le monde, salut Marco! Il pète des câbles, j'en peux plus. Il y a Tiffany aussi au standard. Coucou. Il y a Aurélie de la rédac. Hello, hello. Enfin, Marge avec nous aujourd'hui. Oh, c'est vrai. C'est très drôle, ce petit chat. Jonas Blue qui va arriver dans un instant. On va parler de Banksy. Qui voit qui est Banksy? Oui, Banksy. C'est celui Banksy, qui a... Banksy, oui, pardon. C'est l'artiste de rue, là. Je ne sais absolument pas comment il faut articuler ce nom à chaque fois. Qui a fait le fameux dessin avec la petite fille avec le ballon rouge. Ouais. La fameuse toile dont tout le monde a parlé ces derniers jours. La fameuse toile qui a été vendue plus d'un million d'euros et qui a été détruite, auto-détruite. On va en parler dans un instant, juste après Jonas Blue. They say we got no future at all. They wanna keep us out, can't hold us down anymore. We gonna rise till we fall. When we hit the bottom, nothing gonna stop us. Climb to the top with you. We could be the greatest ones who never made it. Yeah, I could be talking to you. They tryna hate, but we won't change anything at all. Our language, they say we're too savage. what they don't know, no, no, is we don't get. We're going keeping on going till we can't go no more. We're gonna rise till we fall. Yeah. Sur Énergie, Cara Luciani à suivre. On l'écoute dans un instant, elle cartonne elle en ce moment, c'est un truc de dingue. Ouais, à mort. Vraiment, Mais son titre en fait, il rentre dans la tête et ça fait du bien. En ouais, c'est assez incroyable. Cara Luciani qui arrive dans un petit instant sur Énergie. On va parler de Banksy ce matin. Banksy, vous voyez cet artiste hein, qui est... Banksy. Mais c'est Banksy, hein, mon pote. Banksy. C'est Banksy. Banksy. Banksy. Moi, j'ai Banksy ici et ça vient de. Et moi, j'ai Banksy. Banksy. B-A-N-K-S-Y. Bref, Ban, et ben. Monsieur là. Monsieur Ban, et ben. My name is Ban. Monsieur Ban. Ski Ban. On va l'appeler comme ça, Ski Ban. Ouais, c'est très bien. Bref, célèbre, très très célèbre et très connu dans le monde quand même pour l'art. Et il a fait là beaucoup parler de lui avec, je trouve moi, un coup de génie. Il a vendu un tableau qui s'appelle Girl with Balloon. Donc c'est comme tu l'as dit, Jérém, une petite fille qui tient un ballon avec une ficelle. Ouais, quoi, ouais, ouais. Un bête dessin pour le coup. Il a été attribué pour plus d'un million d'euros. C'était chez Sotheby's. Bref, un truc à Londres, ouais, une galerie de trucs. Ouais, ouais, voilà. Ouais. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au moment où il a été adjugé vendu, vous l'avez vu, hein, il s'est auto-détruit. C'est génial, le incroyable. Mécanisme était caché à l'intérieur. Ouais, truc de génie. Incroyable, c'est fou, ouais, vraiment. Un truc de génie. Alors, on ne sait pas, c'est la grande question maintenant, on ne sait pas qui a actionné le mécanisme. Tout le monde se pose la question si Banksy était présent ou pas lors de la mise aux enchères. Est-ce qu'il était planqué? Oui, parce qu'on ne sait pas qui c'est, hein, il faut le dire aux gens. Hein. C'est un peu les Daft Punk, quoi. Le mec, on sait pas à quoi il ressemble. Ouais. C'est... Sauf qu'il porte pas de casque, sinon on saurait qu'il est dans la salle. C'est clair qu'un mec casqué, un peu bizarre. Du coup, ce matin, j'ai envie qu'on soit un peu dans l'art, nous aussi. Qu'on fasse un peu comme si on était une œuvre d'art ce matin. Vous avez le choix, l'équipe pouvait être n'importe quelle œuvre d'art. Ouais. Mais attention à la Banksy. Hein, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un truc particulier. Tu vois, c'est pas juste me dire, oh, je serais un Da Vinci. Voilà. Ouais, non. Qu'est-ce que tu ferais en plus? Okay. Jérém, tu serais quoi, toi? Oula, tu me prends dépourvu. Je serais le mec, je sais plus comment il s'appelle. Il y a cette sculpture du mec qui porte le monde là. Ah, tu vois, si. Il est un peu Atlas. Atlas, voilà. Ouais. Je serais Atlas comme ça. Et puis alors, je ferais du bowling dans les gens avec cette grosse avec cette grosse balle, ce gros monde là. Sur la route. Ouais. Allez, j'essaierais de faire un strike. Les mecs qui prennent des photos de ces devant et bam. Et pas mal. Atlas. Ah, Tiffany du Standard, tu serais quelle œuvre d'art et qu'est-ce que tu ferais toi? Oh bah moi je serais la Joconde, tiens. Ça te va bien? Ouais, ouais. Et alors ouais. Quand les gens passent devant moi, je ferai un petit clin d'œil. C'était dans quel film où il y avait ça? Il y avait la Joconde qui fait un clin d'œil. Mr Bean, je crois, non? Je sais plus, mais. Si c'est Mr Bean quand il retape la toile et tout, ah et ouais, à un moment c'est donné. Possible. Ouais. Ah, c'est possible, ouais. C'est vrai que je la vois bien, Tiffany en Joconde, en mode, hey, c'est le film, mon pote, petit clin d'œil. Pas mal. Frisco, ce serait quoi, toi? Moi, ce serait la Vénus de Milo. Tu vois, c'est qu'elle a des bras. Mais avec des bras, parce que j'aurais faim, tu vois. Du coup, pas de bras, pas de chocolat. Du coup, je remettrai des bras. Juste pour pouvoir bouffer. Ah non, c'est magnifique. Aurélie de la rédac, tu serais quelle œuvre d'art et tu ferais quoi, toi? Oh, une sculpture. Oh. Le penseur de Rodin. Oh, ça te va bien. Et puis, je changerais de bras, tu vois, une fois le bras gauche, une fois le bras droit pour soutenir ma tête. Ah, c'est celui, oui, c'est celui qui est comme ça sur sa main. On dirait qu'il est sur le pot, oui, tu vois. Eh ben, pour éviter les crampes, j'alternerai. Et n'empêche, j'y pense, tu vois, lui, il a son coude posé sur son genou parce qu'il est en pose caca. Comme oui, tu oui, tout à fait. Il doit avoir une sacrée marque rouge parce que quand vous allez aux toilettes, vous avez toujours. Sur les genoux, vous avez de la marque rouge. Là. Ouais, lui, il doit avoir une fameuse marque rouge le jour où il sort. Il doit avoir un trou. Hein. D'ailleurs, je trouve qu'on devrait repeindre sur la sculpture une petite marque rouge à cet endroit-là parce que c'est pas très réaliste sinon. Et toi? Moi perso je serais le mannequin pisse hein, les gars. Allez. Pourquoi? Ouais, je pisserais sur les touristes quand ils viennent prendre une photo. Oh, j'ai une fuite. Ouais, je me ferais plaisir. Ou alors je suis une pipe de Magritte. Pourquoi? Je suis une pipe quoi. Bah, c'est pas ça, c'est ceci n'est pas une pipe. Eh ben moi ça sera je suis une pipe. Qu'est-ce que tu regardes? T'as jamais vu une femme qui se bat? Suis-moi dans la ville blafarde et je te montrerai comme je mords, comme j'aboie. Prends garde sous mon sang là. Dans un instant, un nouveau jeu, le quiz de la dignité. Il y en a certains dans l'équipe qui vont perdre leur dignité ce matin, je vous le dis. Ah, je suis pas prêt. Louis Fancy qui va arriver avec Calypso. Et 2000 euros de vacances pour vous ce matin. Ouais. Vous gagnez 2000 euros de vacances dans le 6-9 sur Énergie. 2000 euros de vacances, c'est un beau cadeau. Je sens que vous êtes au bout du rouleau là. Là, vous êtes, c'est vrai. Là, on est le 10 octobre. Il faut un peu lâcher prise. Ça vous ferait du bien, moi, je vous dis. Une petite pause. Une petite pause s'impose, les copains. À la plage. À la plage ou à la montagne. Vous pouvez choisir. C'est l'un ou l'autre. Forcément, on ne pourrait pas faire les deux. Hein. Faudra faire un choix à un moment donné dans la vie. Bah oui. Bien que, c'est possible. Hein. Les Alpes sont pas très très loin de la mer. Vous pouvez vous débrouiller pour faire un combo. C'est vrai. Ouais, ouais, mais moi je trouve ça l'un ou l'autre. Mais c'est vrai que oui, c'est parce un que peu... sinon tu bourres les valises, imagine. C'est vrai que pour partir à la plage, ça va, mais alors au ski, c'est toujours la combi, le machin, ça ouais. prend beaucoup de place. Hein. En tout cas, vous choisissez la montagne ou la plage ce matin, ça tombera aux alentours de 9h. Votre chance peut-être, je le sens bien pour vous aujourd'hui. Il suffit de vous inscrire vacances par SMS au 78, c'est 1€ le message envoyé et reçu. Vacances aussi, 08, mais il y en a qui ont envoyé vacances. Vous pouvez crier si vous voulez par message aussi, il n'y a pas de souci. Vous m'envoyez vacances. Il y a je sais pas combien de A. Vacances par SMS 6018, 1€ le message envoyé et reçu. On vous souhaite bonne chance et on s'appelle tout à l'heure à 9h. C'est le 6-9. Vous savez que votre radio est allumée sur Énergie. Parce que vous entendez les plus gros hits toute la journée. Vos hits préférés toute la journée. Quand t'es pas là, toi, là où les mots font s'aimer les âmes, si tu l'entends, ça, je te pardonne. Énergie. It's music only. Observons l'agilité de François, plombier, qui tout en serrant un joint, écrit un mail et surveille le chargement de deux palettes dans son Citroën Berlingo. Un bon utilitaire, c'est comme un bon professionnel. Ça doit savoir tout faire. Pendant les jours pro Citroën, recevez jusqu'à 11 800 euros d'avantages et profitez de 50% de remise sur toutes les options. Offre valable pour les professionnels sur toute la gamme Citroën. Citroën. Conditions sur business.citroën.be. Je veux acheter des chaussures. Avant, je croyais pas du tout à l'hypnose. Et alors, j'ai pris des cours et j'ai essayé sur mon mari. Chérie. Oui. Qu'est-ce que tu veux faire ? Je veux t'acheter des chaussures chez Manier Luxus. Tu veux faire quoi ? T'acheter des chaussures chez Manier Luxus. Oh, ça marche trop bien ! Chaussures Manier Luxus. Alors, joyeux, aussi sur manierluxus.be. Parce qu'on peut aller loin pour ses affaires. Marie, Serge, il faut boucler ce contrat. Et rester proche de sa famille. Hugo, Élise, il faut boucler votre ceinture. Skoda a créé l'Octavia Combi, le break le plus vendu en Belgique. En ce moment, en plus de son design, son espace, sa technologie et son confort, profitez d'un GPS gratuit. Infos et conditions sur skoda.be. Skoda, simply clever. Pour vous, fini les « Oh non, mes vêtements pendent encore dehors !» grâce au Mediamarkt Boost. Car dès maintenant, le sèche-linge à pompe à chaleur 1000 est déjà à vous pour seulement 699 euros, soit 200 euros de moins. Et vous recevez en plus une carte cadeau d'une valeur de 50 euros. Boostez votre semaine en magasin et sur Mediamarkt.be. On a tous une bonne raison d'aller chez Intermarché. Moi, c'est pour leur fameux colis boucherie. Ah, il n'y a que chez Intermarché qu'on trouve ça. En plus, pour son anniversaire, Intermarché met les prix KO. Notre colis boucherie, par exemple, est en 5 kilos plus 5 kilos gratuits. 5 kilos gratuits ? Eh oui. Ah, vous avez raison, difficile de faire moins cher. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Ouvert dimanche et jours fériés. C'est bon. Neos invente un rituel pour sublimer votre café. Un voyage gourmand à travers six pralines Neos. L'intensité du cacao associée aux notes caramélisées, arômes fruités et éclats de noisettes. À déguster dans nos boutiques. Neos, l'inventeur de la praline belge, réinvente votre moment café. Vous connaissez ça? Vos amis organisent une soirée et le code vestimentaire est casual chic. Bon, alors vite en ligne. Clic chic. Oh non, non, pas si chic. Voilà, clic dans le panier. Livré demain? Parfait! Mais au moment de payer, vous vous rendez compte que votre portefeuille avec toutes vos cartes est resté au bureau? Que faire? Eh bien, payez votre tenue ou vos autres achats en ligne super vite avec l'appli Bancontact. Bancontact, et c'est réglé. Fans de beauté et de make-up, ouvrez grand vos yeux. Tous les mascaras sont à moins 20% chez Planète Parfum jusqu'au 28 octobre. Planète Parfum, fans de beauté. Aussi sur planeteparfum.com. Au début, je n'arrêtais pas. Quand j'étais pas au téléphone, j'envoyais des SMS ou des mails et à la fin de la journée, j'étais vidé. Alors, on me rechargeait, je recommençais un poste par-ci, une photo par-là, jusqu'à l'épuisement et l'isolement total. Rapportez aussi les batteries usagées de vos portables dans un de nos points de collecte. Bebat leur donnera une nouvelle vie. Bebat. Recycler ensemble, c'est mieux pour la nature. Louis Louis Fonsi qui arrive dans un instant et surtout le quiz de la dignité du dossier qui va être lâché sur l'un de l'équipe, l'une de l'équipe ce matin. Un petit point sur les routes juste avant, Aurélie. Bah attention, il y a quelqu'un qui a perdu son pare-choc, dis donc, sur le ring de Charleroi. Hauteur de Bouffiou en direction d'Épigny, la bande de gauche est bloquée. Il y a un camion en panne sur le 42 à hauteur d'Épigny en direction de Mons et il bloque la bande de droite. Il y a des ralentissements au sud du pays sur le 411, comptez 26 minutes en plus entre Stockhem et Sterpenich, et puis en direction de Bruxelles sur le 411, comptez 22 minutes en plus entre Vereys et Oderghem, et sur le ring extérieur, vous perdez 15 minutes entre Waterloo et Groenendaal. Aïe, bailalo. Confident you never get declined. Man come off and beg you take time. Fonse and Steph London. Yo no sé qué pasará. Tu cuerpo frente al mar, mezclando arena con sal. Yeah, come on. Pero sé que no es normal lo que puede pasar si tú me dejas entrar. Yeah, yo tengo lo que tú buscas. Calienta tanto que asusta. Sabes lo que te gusta. Calypso, 1, 2, 3, Calypso, 1, 2, 3, Calypso, 1, 2, 3, Calypso, te daré. Calypso, 1, 2, 3, Calypso, 1, 2, 3, Calypso, 1, 2, 3, Calypso, te daré. Sur énergie. Calvin Harris. Ah, espèce, je veux pas vous faire paniquer, hein. Je vois bien la situation. Ouah, quoi, 34, oulala. J'ai loupé mon train. Non, no panique. 24, Calvin Harris avec Fils. On écoute ça dans un instant. Avant ça, c'est un nouveau jeu ce matin. Nous allons jouer au quiz de la dignité. C'est un quiz de culture générale. Tu me fais peur. Vous allez pouvoir jouer aussi chez vous. Il y a un fifou qui vient ce matin jouer et qui va essayer de faire tomber un dossier sur l'un ou l'une d'entre vous dans l'équipe. Qui vient jouer ce matin, Tiffany? C'est Michael, qui travaille dans le dépannage automobile. Il a deux enfants, Alexis et Maxence. Et quand il a un peu de temps, il aime aller en salle pour courir et se défouler. J'adore. C'est Michael. Ouais, Michael, quoi. C'est Michael, quoi. Salut à toi, Michael. Salut les fifous, comment allez-vous? Ça va très bien. Sois le bienvenu, Mickaël, ce matin. Merci. Michael, nous allons jouer ensemble au quiz de la dignité, Mickaël. Tu vas pouvoir faire tomber du dossier sur quelqu'un de l'équipe, l'un ou l'une d'entre nous. Je ne joue pas parce que j'ai les questions, forcément. Ça m'arrange. Facile, ça. Ce ne sera pas toujours comme ça, mon Marco. Non. Ça m'arrange. Mickaël, tu veux faire tomber du dossier sur qui ce matin? Il y a Frisco, il y a Jérém. Ou Tiffany? À mon avis, ça va être sur Jérém parce qu'il doit avoir du lourd. Oh non, c'est Michael, jamais autant stressé pour une séquence, je suis content. Je ne sais même pas ce que Marco a entre les mains. J'ai une photo de toi, mon Jérém. Non. Tu es, mais tout sauf beau. Tu n'es absolument pas à ton avantage sur cette photo. Ok. Bon, Michael, je compte sur toi pour foirer toutes les questions. Hein. Michael, compte sur moi. J'ai 5 questions de culture générale. 3 bonnes réponses sur 5. Okay. Et on balance la photo de Jérém ce matin sur les réseaux sociaux. Je stresse. À mon avis, ça va faire mal. Il est tout mal, le pauvre. Dans quel pays se situe le Kilimandjaro, le plus haut sommet du continent africain? Est-ce que c'est au Kenya, en Ouganda? Plus il y a des propositions. Ou en Tanzanie? Alors, je ne suis pas du tout géographie, alors je vais dire au Kenya. Au Kenya. C'est vraiment pas de bol. Mauvaise réponse, ouais. C'était en Tanzanie. Le Kilimandjaro, c'est en Tanzanie, les copains. Est-ce qu'on peut l'aider juste pour avoir pour que le dossier tombe? Moi, j'aimerais bien aider Miguel. Va me chercher Miguel. Un café, Tiffany. Oh, quelle est la plus grosse planète du système solaire, Michael? Est-ce que c'est Jupiter? Est-ce que c'est Neptune ou Mercure? Jupiter. Jupiter et... Oh non. Et une bonne réponse. Et bam! Encore deux et il y a du dossier qui tombe. Aux États-Unis, Hollywood est une ville dédiée à l'industrie de la chaussure, à l'industrie du cinéma, à l'industrie de la pizza ou à l'industrie de l'automobile. Bon, par tout hasard, on va dire du cinéma quand même. Hollywood, le cinéma. Très fort. Oh là là, bonne réponse, vous incroyable. Vous foutez-moi avec les questions là ou quoi? Non, il est très fort, c'est tout. Il a de la culture. Comment appelle-t-on l'enveloppe de la Terre située entre la croûte et le noyau? Est-ce que c'est dégueulasse. Quel mot, la croûte? Le chemisier, le manteau, la tunique ou la camisole? Aucune idée. La première, c'était quoi? Le chemisier. On va dire la tunique, alors. C'est génial. La tunique de la Terre. Non, c'est pas ça, non. Mais enfin, Michael, c'est le manteau, l'enveloppe de la Terre entre la croûte et le noyau, c'est le manteau. Oui. Ben, le manteau, je ne l'ai pas encore sorti, il fait pas assez froid. Attention, Michael. Il reste une seule question, et là, il nous faut une bonne réponse. Il faut vraiment. Je veux que ce dossier tombe de Jérém. Et nous, on compte sur toi. Sauf moi. Et voilà. Chacune des grosses artères qui conduisent le sang vers la tête est une aorte, une cariatide, une carotide ou une synapse. Une carotide. Une carotide, non, ou mais une synapse. Non, mais une synapse ou une carotide. Une carotide. Par tout à l'heure, je vais dire une carotide. Enfin, les gars. Mais c'est une bonne réponse. Oui, bravo. Peut-être qu'il a eu des cours d'anatomie, hein, t'en sais rien. Hein. Ouais, c'est ça, une carotide. Clin d'œil choisi, carotide. Eh bah, Michael, c'est gagné ce matin pour toi. Bravo. Et bah, du coup, on va faire tomber du dossier sur Jérém. Attendez, non, mais vraiment, parce qu'il faut que je la monte quand même. On peut mettre ça sur, MSN, plus personne va dessus. Ouais, c'est ça. Non, tu n'y échapperas pas. Sur un Skyblog. Je vous montre, Frisco, regarde-moi la photo de Jérém. Oh non! Non, ça tu peux pas. Mais quel dieu. Alors je tiens à préciser, n'allez surtout pas voir. Je sais pas si tu mets ça sur Instagram ou Facebook. Partout les deux. Les fifous du 6-9 sur Énergie. Groupe Facebook, Instagram, je poste ça. Je tiens à préciser, parce que vous allez voir, c'est une photo de moi avec une moustache. Et alors je suis coiffé de façon avec du gel. Ridicule. C'était en sortant de ma douche, je m'ennuyais et donc je me suis amusé avec. Non mais que tu t'ennuies, c'est bien. Que tu te prennes en photo, c'est moins bien. Oh là là, venez voir ça ce matin, c'est magnifique. Les fifous du 6-9 sur Énergie pour en retrouver. Michael, je te souhaite une bonne journée. On te file un petit cadeau, je t'en repasse. Vous aussi, bonne journée. Bisous, et merci Michael. Et Tiffany, file un petit cadeau dans un instant. Il n'y a pas de quoi. Les fifous du 6-9 sur Énergie, venez voir ça sur Instagram et sur Facebook. Je poste ça là pendant la pause. Taking me to your front door. I know I shouldn't go. Heaven only knows that the side effect of my loneliness is you. every time I try to mix decision making with one too many drinks. But who, if they're not friends, have consequences? Time, but instead I got a message. I take on my pride every time we undressing. Draw the line, I'm out of line. Time should've taught me the lesson. We're looking for a sign, but instead I got a message. I take on my pride every time we undressing. We're looking for a sign, but instead I got a message. I take on my pride every time we undressing. Draw the line, I'm out of line. Avec Big Mat, construire ou rénover par tous les temps. Dans un instant, c'est George Ezra à côté. Il t'avance à la météo. Et il va faire beau aujourd'hui. On aura un temps sec, ensoleillé, entre 18 et 24 degrés. On s'informe l'actu de ce 10 octobre avec Aurélie Adam. Bonjour Aurélie. Bonjour, les éducateurs seront formés pour lutter contre la violence et le harcèlement à l'école. La ministre de l'Éducation va proposer une formation de 2 jours aux éducateurs du fondamental et du secondaire qui sont en fonction depuis au moins 5 ans. Ils apprendront différentes stratégies pour prévenir, gérer et résoudre un conflit ou une situation de violence. Ils apprendront aussi comment faire face au harcèlement ou au cyberharcèlement. Chez nous, 16% des élèves entre 10 et 19 ans ont déjà été victimes de harcèlement à l'école. Plus de 7000 enfants ont été pris en charge par les services d'aide et de protection de la jeunesse l'année dernière. Des enfants qui ont été victimes de maltraitance pour la plupart. Un plan de prévention sera lancé prochainement. Grâce à lui, près de 750 agents de l'aide à la jeunesse seront formés pour mieux détecter les cas de maltraitance. Il permettra aussi de renforcer la ligne Écoute Enfant. Le numéro, je vous le rappelle, c'est le 103. Et puis, des campagnes de sensibilisation seront organisées. Elles s'adresseront aux enfants, mais aussi aux parents. Le réseau des techs sera totalement gratuit ce dimanche à l'occasion des élections communales. La SNCB va aussi proposer la gratuité. La société prévoit un billet électeur. Alors, il y en a pour les électeurs qui n'habitent plus dans leur commune où ils doivent voter. Il y en a pour les étudiants qui ne vivent plus chez eux pour leurs études. Ils sont aussi concernés. Eh bien, les gens qui séjournent à l'hôpital et ceux qui travaillent à l'étranger ou dans une autre commune. Le billet spécial est disponible en gare, mais aussi dans le train sur présentation de la convocation et de la carte d'identité. On termine avec du sport. Notre équipe nationale féminine de football n'a pas réussi à se qualifier pour la Coupe du Monde. Hier, les Red Flames ont fini sur un partage 1-1 face à la Suisse. La Coupe du Monde pour dames aura lieu l'année prochaine en France. L'info énergie. Et tous les jours à 7h30, c'est... Oula, toi aussi t'as eu un petit chat là. Un petit chaton. L'info énergie, on parle de quoi ce matin, Aurélie? Si je vous dis 5000 euros de l'heure, vous me dites... Beau salaire, très beau salaire. Je travaille, je commence quand Eh ben, va falloir un peu travailler parce que c'est ce qu'a gagné Ed Sheeran l'année dernière. Ah ouais, 5000 euros de l'heure. À 27 ans, il est considéré comme l'artiste solo le plus riche au monde et il vient de publier sa déclaration de revenus. Dis donc, je suis tombé dessus, donc je vais vous en dire un petit peu plus. Donc, l'année dernière, il a gagné, écoutez bien, 138 686 dollars par jour. En euros, ça fait 120 643. Wow. Soit donc un peu plus de 5000 euros de l'heure. Il a quand même payé des impôts, hein, parce que il bosse, il a du talent, il gagne beaucoup de sous. Il a payé 9 788 363 dollars d'impôts. Bah, c'est bien, c'est bien. Ah bah oui, ça renfloue les caisses. Merci, Etienne. Pour vous dire, il a payé plus plus que ce que Facebook a payé en impôts en 2015 et 2016. Mais tant mieux, au moins lui, je suis sûr que c'est un mec qui va payer tous ses impôts. Il va même dire, je vous paye cash, je vous le paye direct. Eh ben, c'est scandaleux de la part de Facebook, par contre. Bon, maintenant, je vais y retourner faire un perfect parce que je commence à être ric-rac. Et une autre qui gagne bien sa vie aussi, c'est Adèle. 44 000 dollars par jour. Encore maintenant ? Oh, ouais. Purée. L'année dernière, quoi. Ouais. Adèle. Adèle. Elle en a du fric, hein ? Adèle, fric Adèle. Oh là là. Ouais, 5 euros. Oh, 5 euros dans la cagnotte, tu rigoles ou quoi ? Je m'en prends plein la figure aujourd'hui. Eh ben, tant pis. Eh ben, ce sont deux grands artistes. Ils devraient faire un duo, Adèle et Sheeran. Et pour en revenir à Ed Sheeran, il est quand même 9e du classement des personnalités les mieux payées en un an. Il est derrière Lionel Messi et Ronaldo. Ah, quand même. Quand même. Quand même. Bon, t'as vu 5000 de l'heure, quoi. Pas mal, hein. Bravo, hein. Ouais. On va se mettre dans la chanson. Ouais, c'est ça. Impossible, impossible, impossible. Bah, y a un truc, non ? 2 euros de l'heure. 2 euros. Merci Aurélie, ça me va pas au cœur. Les jours Fnac sont de retour. Dès ce vendredi, profitez de réductions allant jusqu'à 30% sur les TV, photos, ordinateurs, CD, DVD. Fnac, libérez votre curiosité. Offre soumise à condition. Quand j'avais votre âge, il n'y avait pas le 6-9 sur Énergie. Alors, pas d'excuses. Le 6-9 sur Énergie, 6h-9h. Il est 7h37, bonjour. Bonjour. Allez vite sur Instagram, la photo dossier de Jérém, je la poste maintenant. Non. Les fifous du 6-9 sur Énergie, venez. Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. The sun ain't changing the atmosphere. Architecture unfamiliar. I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. We're south of the equator, navigator, gotta hit the road, gotta hit the road. Deep sea diving round the clock, bikini bottoms, lager tops. I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone, a someone, a someone, a someone. 7h39 sur Énergie, le nouveau Jennifer à suivre. C'est un moment que j'adore, c'est comme ça tous les mercredis aux alentours de 7h35, la Kids Line. Vous avez moins de 12 ans, vous nous appelez ce matin 0800 23 456, c'est un numéro gratuit pour nous appeler. Vous venez avec nous dans le 6-9 sur Énergie et on parle de quoi avec vous ce matin? On va parler de ce que vos parents répètent toujours. Tu sais, il y a toujours des phrases comme ça qui reviennent. Et t'as lumière ! Elle parlait pas bien français ta maman. 0800 23 456 pour nous appeler ce matin, numéro gratuit, vous avez moins de 12 ans, on vous attend, c'est la Kids Line. Et il y a déjà Andrea qui est avec nous. Salut Andrea. Salut. Oula. Oula, c'est la déprime ce matin, Andrea, qu'est-ce qui se passe? Non. Ah ok. Ça va. Non, c'est ma voix, je suis comme ça, j'ai 7 ans. Et t'as quel âge, Andrea? 11 ans. Ah, 11 ans, pardon. T'as déjà une sacrée voix, mon pote. Toi, tu dois faire de la radio, ma gueule. Andrea, sois le bienvenu dans le 6-9. Andrea, qu'est-ce que tes parents te répètent toujours? Mes devoirs. Ah oui. Fais tes devoirs. Ah, oui. Ah bah oui, mais c'est normal hein. Donne-moi ton journal de classe. Je vais regarder si t'as pas des devoirs. T'as alors attends, est-ce que tes parents font les devoirs avec toi, Andréa? Non. C'est vrai? Oui, non, je l'ai fait tout seul. Bon, c'est bien, c'est comme bien un grand. C'est pas ce qu'on m'a dit, hein, moi, Andréa. Non, mais attends, ce qui est magique, c'est que tes parents, genre, ils maîtrisent pas le théorème de Pythagore, Thalès. Bah, si, mais je fais mes devoirs tout seul. Ah, d'accord. À 11 ans, tu l'apprends pas encore, le théorème. Oui, ben, j'en sais rien. Je m'en rappelle plus. C'était il y a trop longtemps. Eh ben, écoute, on te souhaite une très belle journée, Andréa, à l'école, amuse-toi bien. Hein. Oui, je peux faire une dédicace? Bah, bien sûr, poteau, fais-toi plaisir. Ben, je fais une dédicace à mes amis Eric, Milo, Tristan, les restes des garçons de la classe et Lola et tout le reste des filles. Mmh. Ah Lola, il y a de l'électricité avec Lola. Non. Ah non. Juste au foot avec nous. Ah d'accord, Fabien, c'est ce qu'on dit. André, on te souhaite une excellente journée, à très bientôt mon fifou. Oui, au revoir. Bisous. Bisous. Il y a Isaline qui est là ce matin. Salut Isaline. Bonjour. Bonjour. Isaline, 11 ans, ma chérie, sois la bienvenue. Alors toi, on me marque qu'il faut que tu arrêtes d'embêter ta sœur. C'est ce, oui. C'est ce qu'on m'a dit. Ah oui, apparemment, d'accord. Pourquoi, qu'est-ce que tu fais? Tu l'embêtes comment? Ben, je chante. Ah ben nous, on embête toute la Belgique quand on chante. Je peux comprendre. Bon, Isaline, toi, c'est quoi la phrase que papa ou maman te répète tout le temps, tout le temps, tout le temps? Arrête d'embêter ta sœur. Ah bah voilà. La boucle est bouclée. Elle a quel âge ta sœur? Elle a 9 ans. 9 ans, et ça va, elle est gentille comme petite sœur? Non. Pas encore. Pas encore, oui, ça va venir. Mais tu verras après, vous serez les plus grandes copines du monde. Ouais. Tu l'aimes quand même? Oui. Ah, ça me fait peur. Non, je la déteste. On te souhaite une très belle journée, Isaline. Gros bisous à toi, ma chérie. À bientôt. Je peux faire une dédicace? Mais vas-y. Je fais une dédicace à mon papa qui m'écoute normalement et à mes amis de l'école Tumerelle. Ah, et ben voilà, le message est on passé. On leur fait plein de gros bisous. Gros bisous à toi, Isaline. À très vite. À très vite. Bientôt, bisous. Elle est trop adorable. Il y a Julia pour finir qui est avec nous aussi ce matin. Bonjour, Julia. Bonjour. Julia, t'as quel âge, ma chérie? J'ai 11 ans. 11 ans, eh ben sois la bienvenue dans le 6-9 ce matin. Julia, toi, c'est quoi la phrase que papa ou maman répète tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps? Se débarrasse ta table. Oui. J'aime bien ça. Ah, le fameux débarrasse ta table. Ah ouais. Oui, évidemment. Et tu le fais du coup? Bah, des fois, je fais semblant de pas les entendre et des fois, je les fais. Julia, j'ai une technique pour toi. Je faisais la même chose, je disais, je vais aux toilettes, je vais faire la grosse commission. Voilà. Ok. Et puis, et tu revenais jamais. Ouais, exact. C'est une bonne méthode, oui. Mais il faut aider papa, maman, mais vraiment. Oui, moi, j'ai ma sœur à la maison. Julia, je te jure, j'ai ma petite sœur, elle ne fait rien. Et ça me rend dingue. Elle débarrasse jamais sa table, elle fait jamais les trucs, ça me rend fou. Faut aider, filer un petit coup de main, c'est gentil. Oui, mais des fois, moi aussi, des fois, je vais ranger mes affaires et lui, il fait rien. Ah, ben ouais. Eh ben, balance ton frère de temps en temps. Ouais, c'est ça, t'as bien raison. Et bon, c'est une très belle journée, Julia. On te fait des bisous. Tu veux passer un petit mot? Mais oui. Vas-y, je t'en prie. J'aimerais bien à mes parents. Ouais. Donc à ma famille et à mes amis. Eh ben voilà, le message est passé. On te souhaite une excellente journée, Julia. À très vite. Merci, bonne journée. Bisous. 0800 23456, c'est le numéro de téléphone que vous pouvez ajouter à vos contacts. C'est le numéro de téléphone des Fifous. Et c'est gratuit. Ouais. Te souviens-tu de l'ivresse, de nos envolées soudaines? Reconnais-tu mon adresse, nos larmes au bord de la Seine? Allons voir ce qui reste de nos apnées sous les draps. Cachons-les. En arrière, je vois combien elle est belle, la vie qui nous l'a. Dans un instant sur Énergie, on va parler avec vous aussi. J'ai envie qu'on parle de ça ce matin, ce qu'on vient de parler avec les enfants là dans la Kids Line. Ce que vos parents vous répétez toujours, ouais. Ou l'inverse, ce que vous répétez toujours à vos enfants. Hein, parce que... Non, mais c'est vrai, il y a des parents qui le savent très bien, qui répètent tout le temps la même chose. Enfin, ils en ont marre même d'ailleurs de répéter tout le temps la même chose. Qu'est-ce que vous répétez toujours à vos enfants, ou au contraire, ce que vos parents vous cassent la tête avec ça et vous le répètent tout le temps? 3018 par SMS, ou alors vous appelez Tiffany, c'est gratuit. Oui. 0800 23 4 5 6, c'est notre numéro de téléphone, notez-le. Vous nous appelez et on parle de ça avec vous ce matin, juste après Musty. C'est le 6-9. Gagnez vos places pour le festival Legends avec David Guetta, avec la phrase Énergie. Pour jouer, inscrivez-vous vite sur l'appli Énergie Belgique ou sur énergie.be. Et à tout moment de la journée, si on vous appelle en direct, répétez la phrase Énergie. Je veux voir David Guetta grâce à Énergie, ma radio préférée. Surtout, retenez-la bien. Cette phrase vous permet de gagner vos places pour le Festival Legends le 19 octobre au Lotto Mons Expo. En plus, vous rencontrez David Guetta lors d'une soirée VIP signée. Énergie, it music only. L'interdit, l'interdit, l'interdit. Osez le frisson de l'interdit. Le nouveau parfum. Givenchy. Gardez votre conscience nette et l'environnement propre. Regardez vite sur valeurlub.be si vous avez droit à une belle prime lors de la collecte de vos huiles usagées. Si la Terre se réchauffe encore, la banquise pourrait fondre. Quoi ? Et alors les pingouins viendront vivre chez nous ? Heureusement, nous n'en arriverons pas là. En choisissant l'énergie verte du soleil et du vent, nous construisons avec Eneco un plus bel avenir. Tant mieux, ce pingouin fait trop de bruit. Maintenant, jusqu'à 200 euros de réduction sur eneco.be. Je comprends pas que tu puisses rester aussi calme là. T'as vu ce qui nous attend? On va crouler sous le boulot là. Ah, mais je m'en fais pas, j'ai quelqu'un sur qui compter. Ouais. Quelqu'un qui est toujours là pour moi, qui me soutient en cas de problème, qui m'écoute et me comprend au quart de tour. Ouais. Tiens, ça va lui faire plaisir que je l'appelle. Ouais, ok, mais elle sait conduire un Clark, ta mère? Ma mère? Ah ben non, c'est Julie que je vais appeler. Ah! Ben oui, Julie, de chez Tempo Team. Ok. L'expérience, tout le monde veut travailler avec Tempo Team. Découvre tous nos jobs près de chez toi sur tempoteam.be. Tempo Team! TF1, The Voice Kids. Il n'y a pas d'âge pour avoir du talent. Jennifer et Patrick Fiori sont de retour avec deux nouveaux coachs, Amel Bent et Soprano. Une saison riche en nouveautés et en surprises. The Voice Kids, présenté par Nico Saliegas et Karine Ferry, vendredi à 21h. TF1, partageons des ondes positives. 51,4% des Belges rêvent d'avoir ce petit plus dans leur cuisine idéale. C'est pourquoi Ixina vous offre jusqu'à 3000 euros sur votre cuisine. Plus d'infos sur Ixina.be. Ixina. Et n'attendez pas l'accident pour savoir si vous êtes bien assuré. Saviez-vous que l'assurance RC Auto d'Etias a été élue pour la troisième fois la meilleure par Decavi? Demandez maintenant une offre et gagnez une voiture. Tout, tout, tout. Infos et conditions sur etias.be. Aldi et ce que certains en disent. Il y a des connaisseurs qui disent « Moi, je suis un fin gourmet, je ne veux que le meilleur. Qu'est-ce que j'irai faire chez Aldi ?» Ah, les connaisseurs. Ils sont visiblement pas au courant que beaucoup de nos produits font au moins aussi bien que les grandes marques dans des dégustations à l'aveugle. Notre jambon artisanal, par exemple, il a même été élu maître achat par Testachat. Toujours pas convaincu? Découvrez les résultats de tous nos tests sur qualitéprouvée.be ou mieux encore, comparez-vous même. Aldi, aussi bien que les grandes marques. Attendez-moi. Oh, il est mou celui-là. Mais arrête d'être piquant, toi. C'est une crème. T'es gentil. Plus de 500 fromages de chez nous, à chacun son caractère. Une initiative de l'APACW. Qu'est-ce que vos parents vous répètent tout le temps? C'est la phrase qu'ils vous disent tout le temps. Ou alors à l'inverse, hein, ce que vous dites tout le temps à vos enfants. Vous en parlez avec nous ce matin, 30-18. Vous appelez Tiffany, c'est gratuit. 0800-234-56. On en parle avec vous juste après Musty. Et là, un point sur les routes, Aurélie. Un accident s'est produit sur le ring de Charleroi, hauteur de Soleilmont, direction d'Épigny. La bande de gauche est bloquée. Autre accident sur le ring intérieur de Bruxelles, à hauteur d'Eusingen. La bande de gauche et la bande centrale sont bloquées. Vous perdez 40 minutes à partir de Wautier-Brenne. Il y a des ralentissements sur le 40, 23 minutes en plus entre Everlé, Woluwe et Saint-Étienne. Sur le 400, comptez 25 minutes en plus entre Overijse et Oudorgem. Sur le ring extérieur de Bruxelles, ça coince entre Waterloo et Oullaert, comptez 24 minutes en plus. Et puis sur le 400, au sud du pays, 37 minutes de perdu entre Abbey et Sterpenich. Will you stay with me if I'm in motion? I try to plant a tree, but no reaction. I'm a 21st century boy. I'm a 21st century toy. Already in the grave, the game is over. The television stands in the corner. I'm a 21st century boy. I'm a 21st century toy. Maybe too late. Still looking for a gun. The air is insane. I'm a 21st century boy. I'm a 21st century toy. A girl is passing by, maybe too shy. A boy is making a try, he's maybe too proud. Like a 21st century boy. Like a 21st century boy. Sur Énergie, Calvin Harris avec Fields, c'est ce qui arrive pour la suite. Et là, on parle avec vous ce matin de ces phrases que nos parents nous répètent tout le temps, ou les phrases que vous répétez tout le temps à vos enfants. Il y en a plein. Patrick qui nous a envoyé, apparemment, c'est ce qu'il dit à ses enfants. C'est pas un hôtel ici, hein. C'est vrai. Magique, ça, évidemment. Marie aussi qui nous dit, ton père, il est pas vitrier, hein. Oh, ça, c'est la base. Ça, c'est là quand t'es devant la télé. Ouais, horrible. Oh, ton père, il est pas vitrier, tu bouges, s'il te plaît. Tiffany. Petite anecdote, moi, mon beau-père est vitrier, donc je pouvais dire, bah si. Elle fait trop la maline. Elle est contente. 0800-234-56 aussi pour nous appeler et en parler avec nous. On a eu d'autres messages aussi qui sont arrivés. Pauline qui nous dit, quand je prenais des trop grandes douches, il n'y a pas la suite. Non mais je vous promets, quand je prenais des trucs en douche, mon père disait. Il disait quoi, Pauline? Même chose, mon père me disait, tu te crois à quoi, à Libye ou quoi toi? Trois petits points. Eh ben Pauline, revois ton petit SMS 38, on n'a pas la suite ma chérie. Il y a Fabrice aussi qui dit, ma tante, quand on se fightait avec mon frère, bon les deux, battez-vous, tuez-vous, et quand il y a du sang, vous m'appelez. C'est magique. Petit tour de table, Tiffany, c'était quoi toi, un truc que tes parents te répétaient tout le temps? Moi, ma mère me disait toujours, je suis pas ta copine. C'est pas faux. Je suis pas ta copine. Tu okay me parles autrement, je suis pas ta copine. C'est ça. C'est, tu me parles autrement, je suis pas ta copine, ok. Ou alors dépêche-toi, vide le lave-vaisselle. Tu me demandais 5 fois d'affilée. Jérém, c'était quoi toi? Moi, mon papa me disait souvent, c'est pas une église ici, hein, parce que je laissais les portes ouvertes. Et puis alors, ce qu'il me disait, et ça m'énervait, je suis quelqu'un de très curieux. Et alors, j'arrivais dans une discussion un peu de grand, et je disais, vous parlez de quoi? Et il me répondait, si on te demande, tu dis que tu ne sais pas. Vous aussi, je suis sûr qu'il y a des phrases que vos parents vous répètent tout le temps, ou des phrases que vous répétez tout le temps à vos enfants. Vous nous dites ça ce matin, on en parle avec vous. 3018 par SMS, ou vous appelez Tiffany, c'est gratuit, les copains. 0800-234-56. Calvin Harris, qu'on écoute maintenant. Et puis, on lit vos messages juste après, il y a encore des pépites. Hein. Frisco, ouais. Je veux savoir. Moi aussi, je vais vous dire, c'était magique. Juste après Calvin Harris sur Énergie, bienvenue. You love to make an entrance. Yeah. Do you like getting paid or getting paid attention? Like, you mix the wrong guys with the right intentions. In the same bed, but it still feel long distance. Yeah, you're looking for a little more consistency. But when you stop looking, you gon' find what's meant to be. And honestly, I'm way too done with the hoes. I cut off all my X's for your X and O's. I feel my old flings was just preparing me. When I say I want you, say it back, parakeet. Fly your first class through the air, Airbnb. I'm the best you had, you just be comparing me to me. I'ma add this at you. If I put you on my phone and upload it, it'd get maximum views. I came through in the clutch more than lipsticks and phones. Wore your fave cologne just to get you alone. Don't be afraid to catch feels. Don't be afraid to catch these feels. Ride your cup and chase. Excellente association Pharrell Williams, Katy Perry, Big Sean, Calvin Harris. On adore ce titre. 7h58, bienvenue avec nous, c'est le 6-9. Dinoro qui va arriver dans un instant. À 8h05, c'est le duel énergie, restez là. There are days I wake up and I pinch myself. You're with me, not someone else. And I'm scared, yeah, I'm still scared. That is all a dream. Cause you still look perfect as days go by. Even the worst ones, you make me smile. I'd stop the world if it gave us time. Cause when you love someone, you open up your heart. When you love someone, you make room. If you love someone, and you're not afraid to lose them, you probably never loved someone like I do. You probably never loved someone like I do. When you love someone, you bienvenue. And you're listening to Énergie. Avec Big Mat, construire ou rénover par tous les temps. À 8h05, c'est le duel énergie. On revient aussi avec les phrases que vos parents vous répètent tout le temps. Ça arrive dans un instant. Avant ça, la météo. Et il va faire beau aujourd'hui. Temps sec, ensoleillé, entre 18 et 24 degrés. L'actu de ce mercredi 10 octobre. Et pour nous informer, c'est Aurélie Adam. Bonjour Aurélie. Bonjour Marco, bonjour à tous. La lutte contre la violence et le harcèlement devient une priorité de la ministre de l'Éducation. Marie-Martine Schinz a décidé d'offrir une formation aux éducateurs. Elle s'adressera aux éducateurs du fondamental et du secondaire qui sont en fonction depuis au moins 5 ans. Ils apprendront notamment comment prévenir, gérer et résoudre un conflit ou une situation de violence. 16% des trains sont en panne ou en réparation. C'est trop pour la SBL Navette. Pour elle, les trains hors service engendrent de nombreux désagréments sur la ponctualité notamment. Le ministre de la Mobilité, François Bello, se dit conscient du problème. Il affirme que différentes actions sont en cours pour améliorer les processus d'entretien. Il espère réduire le taux d'immobilisation de 30% d'ici 2021. Enfin, en sport, en football, notre équipe nationale féminine n'a malheureusement pas réussi à se qualifier pour la Coupe du Monde 2019. Les Red Flames ont fini sur un partage 1-1 face à la Suisse hier. La Coupe du Monde, je vous rappelle, aura lieu l'année prochaine, donc en France. Vous cherchez une habitation durable et abordable dans un quartier agréable ? Venez découvrir les quartiers Matexi de Wallonie et Bruxelles sur matexi.be. Matexi, bienvenue chez vous. Sur Énergie, bonjour! Bonjour! On est là avec toute l'équipe du 6-9, les fifous du matin. Venez nous retrouver d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Et on a mis une photo pépite de Jérém. Arrêtez, les fifous les du 6-9 sur Énergie. Venez, Instagram, Facebook, non. Une photo dossier de Jérém. N'allez pas. On a l'impression que le mec devait jouer dans un documentaire sur l'Allemagne, quoi, sans déconner. Vraiment, il fait penser à Zorro dans Diego de la Vega. Ah oui, un peu, c'est vrai, avec la moustache. C'est honteux cette photo. Allez voir ça sur les réseaux sociaux. Toute l'équipe est là, il y a Frisco. Bonjour tout le monde, bonjour mon Marco. Il y a Jérém. Bonjour. Il y a Aurélie de la rédac. Bonjour. Qui est morte de rire. On voit la tronche de Jérém, mais il y a quoi. Les fifous du 6-9 sur Énergie pour n'entrever. Il y a Tiffany au standard. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Soyez les bienvenus. Et on a 2000 euros de vacances pour vous ce matin, les fifous. 2000 euros de vacances pour aller soit à la plage, soit à la montagne. C'est à vous de choisir. On vous offre ça aux alentours de 9h. Il suffit de vous inscrire maintenant. Ah bon, faut pas tarder. Hein. Quand même, je vous dis ça, je vous dis rien. Vacances par SMS au 78. C'est 1 euro le message envoyé et reçu. À vous les cigales ou à vous la neige. Vacances au 6. 0 en 8, bonne chance. Yeah. 8h06 sur Énergie, c'est notre rendez-vous tous les jours aux alentours de 8h05. C'est le duel Énergie. Le duel Énergie. Avec la possibilité pour vous de gagner beaucoup d'argent, jusqu'à 500 euros par jour, et c'est cumulable. C'est le cas de Carmelo, qui est notre maître du duel. Troisième participation ce matin. Il est à 400 euros de cagnotte, Carmelo. Bonjour. Salut les fifous. Comment allez-vous? Ouais, très bien. Super. On est au taquet, mon Carmelo. Content que tu sois avec nous ce matin. Carmelo qui est de retour pour défier ce matin et essayer de rester notre maître du duel. Qui va venir l'affronter, Tiffany? C'est Stéphanie qui travaille comme psychologue. Elle est mariée, elle a deux enfants, Adam et Ambre. Elle aime cuisiner, faire des gâteaux et la lecture. Et je peux te dire, Carmelo, qu'elle va t'analyser et puis te passer à la moulinette. Tu ne vas pas en revenir. Sans déconner. Bonjour Stéphanie. Bonjour l'équipe. Stéphanie, Carmelo, soyez les bienvenus dans ce nouveau duel énergie. Je rappelle le concept, c'est un blind test en fait. 5 extraits musicaux, 100 euros par extrait, donc jusqu'à 500 euros à vous faire. Règle fondamentale, pour dès que vous avez reconnu l'extrait et nous donner la réponse, il faut buzzer. Et votre buzzer, c'est votre... Prénom, exactement. Carmelo, il est chaud. Carmelo, il est habitué. D'accord. Attention, Stéphanie, Carmelo est notre maître du duel. Il est au taquet, il compte bien le rester, je te le dis. Ouais, je me doute. Mais Stéphanie, tout est possible pour toi ce matin. Nous allons jouer avec des intros. Donc nous repartons dans un mode classique, c'est de la musique, tout simplement. Sauf que c'est le tout début de la musique, c'est l'intro, quoi, l'introduction de la chanson. Il faut nous donner l'artiste. Allez, je vais être gentil, au début on voulait vous demander le titre, mais on va rester gentil. L'artiste, vous nous donnez l'artiste, ok? Ok, ouais. Vous pouvez jouer aussi avec nous ce matin. Voici le premier extrait, Carmelo, Stéphanie, bonne chance. L'amour est comme l'oiseau de tuit. Oh, ah bah dis donc. Ah bah alors. J'avais. Eh bah, c'est, bah, oui, mais trop tard. Ah, il fallait donner ton prénom, Carmelo. Il fallait buzzer, Carmelo. Bah, je l'avais. Il est pour vous ce matin, les fifous. Celui-là, il est facile. Vous avez reconnu l'artiste. Eh oui, il est de chez nous. L'amour est comme l'oiseau de Twitter. Ah là, il y a là, seulement pour un petit quart d'heure. Vous avez reconnu l'artiste, vous envoyez duel plus le nom de l'artiste qu'on cherche. On donnera la réponse en fin de jeu et vous allez pouvoir aussi gagner du cadeau. Duel plus la bonne réponse au 6-0-1-8-78. Mon code duel plus la bonne réponse, c'est 1 euro le message envoyé et reçu. Carmelo, Stéphanie, 0-0. C'est pas grave, on continue. Ouais. Voici le deuxième extrait. Plus facile celui-là, je pense. Vous allez l'avoir. Bien que le premier était très facile quand même. Oui, c'est ça. C'est parti. Carmelo. Il est chaud patate. Carmelo, on t'écoute. Kenji. Il était vendredi dernier dans les studios d'Énergie pour un live session exclusif. Carmelo nous dit Kenji. Et c'est une bonne réponse. Mais oui. Aussi belle que jalouse. Qu'est-ce qui t'arrive, Tiffany? Ben Carmelo qui travaille comme indépendant cuisinier l'Andalouse, il doit connaître, non? Allez, 5 euros dans la cagnotte. 5 euros dans la cagnotte. Non. Nul. Carmelo, tu confirmes, c'était nul, hein? C'était nul. Et ben vu que Carmelo confirme, tu remets 5 euros de plus, ça fait 10 euros dans la cagnotte. On ne sait pas encore ce qu'on va faire avec cette cagnotte, mais elle prend forme. Pour le moment, c'est Tiffany qui la rince. On fera le point là-dessus prochainement, d'ailleurs. Carmelo, Stéphanie, ça fait pour l'instant 100 euros pour Carmelo, un point, mais tout est possible encore pour toi, Stéphanie. Allez, Steph. Voici le troisième extrait. Mais c'est fini, Carmelo. À 9h, c'est fini, un fieu. Il est bête. Allez, Stéphanie. Eh ben, dommage. Ouais, ouais. On cherchait Dadju sur celui-là. Je veux qu'on s'en aille vivre un pays comme Marley. Vivre une vie de star un peu comme Bob Marley. Juguet dit ralenti, je suis pas Bob Marley. Ouais, c'était Dadju, les copains. Dadju. Ouais. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Voici le quatrième extrait. Tout est encore possible, Stéphanie, mais je te cache pas que là, il faut se réveiller sur cet extrait-là, sinon c'est ballot. Non, ouais. Il est pour toi, celui-là. C'est parti. Carmelo. Oh, Carmelo. Ouais. Ah, ouais. Carmelo. J'ai entendu le A de Stéphanie. Il y a eu Carmelo. Carmelo. Voilà. Dommage. Je ne sais plus de son prénom. Carmelo. Ouais. Ah, comment je m'appelle? Ah, trop tard. Carmelo, on t'écoute. Bob Sinclair. Bob Sinclair. Carmelo nous dit Bob Sinclair. Et c'est une excellente réponse. Oh. 200 euros pour Carmelo ce matin. Qui vont venir s'ajouter à sa cagnotte déjà existante. Bon, et bah écoute, Stéphanie, c'est râpé, ma chérie. Hein. Je suis désolé, mais là, ouais, ça va être compliqué. Oui, mais c'est pour toi. Ouais. Tu peux tenter le dernier pour l'honneur. OK? Pour l'honneur, oui. Allez, pour l'honneur, okay. On y croit. Dernier extrait, c'est parti. C'est chaud, trop tard. C'est sur la clochette, allez. Eh ben non. non, c'est sur le fil, c'est 5 secondes, les copains, on l'a dit, 5 secondes, c'est 5 secondes. Ouais. Dommage, eh bien, c'était. Ah ben oui. C'était qui? Mais c'était Adèle. Never mind, elle est magique. Someone like you. J'adore cette chanson. Ooh, I've been something when you're best for Elle est incroyable. Aujourd'hui, mais elle est incroyable. Ah là, je pense qu'elle a mangé ce matin, mon pote, mais. Des pims. Qui sont bêtes. Eh bien, Stéphanie, on est désolé pour toi, ma chérie. Non, pas de soucis, merci. Carmelo reste notre maître du duel. Ouais. Carmelo, 200 euros de plus ce matin, 400 euros plus 200 euros, ça nous fait 700 euros évidemment. Et oui, je suis fort en maths, 4, 5, 6. Ah non, ça fait 600, tu vois, je suis vraiment nul. 400 plus 200, ça fait 600 euros. J'allais lui donner 100 balles gratos. Quoi. 600 euros pour toi, Carmelo, dans ta cagnotte. Et puis, bah voilà, du coup, tu seras de retour demain, 8h05. Stéphanie, on te fait plein de bisous et on te souhaite une excellente journée. Ouais, bonne journée à vous aussi, merci pour la bonne humeur. Avec grand plaisir, merci Stéphanie, on t'embrasse fort. Et puis, écoute Carmelo, tu reviens quand? Pas de grasse matinée demain, hein. On revient demain. Et ben voilà, pas de grasse matinée, 8h05, c'est le rendez-vous pour un nouveau duel énergie. À demain Carmelo. À demain. Salut. Le duel énergie. C'est le 6-9. Get ready for the next round. Les plus gros hits à la maison. Les plus gros hits en voiture. Les plus gros hits au travail. Énergie. C'est la playlist Énergie. Playlist Énergie. Hit music only. J'ai une amie qui est spécialiste des enfants. Elle sait exactement quoi faire pour obtenir le silence. Les enfants, si vous êtes sages, ce mercredi après-midi, je vous offre une paire de chaussures chez Luxus. Ouais. Oui, enfin, quand je dis spécialiste, elle débute. Chaussures Luxus. Alors, joyeux. Aussi sur luxus.be. À l'époque, quand Julie avait fait installer ses fenêtres de toit Velux, elle écoutait. Et aujourd'hui, elle écoute encore. Mais elle s'est débarrassée de son tourne-disque et de ses anciennes fenêtres de toit, car elle vient de choisir des fenêtres Velux dernière génération. Elles ont été placées en quelques heures, ce qui a permis à Julie d'arriver à temps pour... Et vous, vos fenêtres de toit, elles datent de quand? Remplacez-les par des fenêtres Velux dernière génération et bénéficiez d'une réduction allant jusqu'à 500 euros. Rendez-vous vite sur velux.be. Offre soumise à condition. La polo, vue par différentes parties du corps. La tête. L'avantage est de 4200 euros, très bon point. Le cœur. Qu'est-ce qu'elle est belle. La tête. Elle est super équipée, on aura un bon prix à la revente, on achète. Le cœur. Oh, pour une fois qu'on est d'accord. La tête. Oh, pour une fois que tu m'écoutes. Non, pour une fois que tu m'écoutes. Non, mais tu ne m'écoutes mais jamais. Mais si je t'écoute. Jusqu'à 4200 euros d'avantage sur la polo avec pack confort super équipé. Ça mettra le cœur et la tête d'accord. Rendez-vous maintenant chez un concessionnaire Volkswagen. Prime de recyclage conditionnelle incluse. Infos et conditions sur volkswagen.be. Volkswagen. On a tous une bonne raison d'aller chez Intermarché. Bah moi j'en vois même plusieurs. Ah bah oui, pour son anniversaire, Intermarché met les prix KO et en plus organise un grand concours. Oh, j'adore les concours. Une voiture, des chèques voyage, des produits gratuits et plein d'autres prix à gagner. Waouh, une voiture. Eh oui, et c'est jusque fin octobre. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Voir conditions en magasin. Ici Paris XL à 50 ans et ça se fête avec Hugo Boss Ma Vie 50 ml à 50 euros. Aussi sur iciparixl.be. Ici Paris XL, tellement toi. Téléchargez maintenant l'appli Bancontact et payez tous vos achats en ligne super vite avec votre smartphone. Bancontact, et c'est réglé. Allô papa, tu viens toujours manger ce soir ? Il y aura de la compote materne avec de beaux morceaux. Pas cette fois. Ah, de la mousseline materne alors, bien onctueuse. Non plus. Ah, en fait j'ai aquagé mais... Mais j'ai la nouvelle granité materne, onctueuse et avec des mini morceaux de pommes. J'arrive ! Nouveau, granité materne, la nouvelle sensation pomme. Merci les fruits. Merci materne. Lizzo à suivre, côté hit sur énergie. On revient aussi avec ce que vos parents vous répètent tout le temps. C'est la phrase qu'ils vous disent en permanence. 30-18 par SMS par exemple. Martin qui nous a dit: l'argent ça pousse pas sur les arbres. Une phrase que ses parents ont dû lui répéter. Dites-nous vous aussi 0800 234 56. C'est gratuit pour en parler, ou alors le 30-18 par SMS. Un petit point sur les routes, Aurélie. C'est un peu la cata ce matin. Plusieurs accidents à signaler. Alors, sur le ring de Charleroi, à hauteur de Soleilmont, direction d'Épinay, la bande de gauche est bloquée. Sur le ring intérieur de Bruxelles, à hauteur d'Uzingen, la bande de gauche et la bande centrale sont bloquées. Vous perdez 40 minutes à partir de Wautier-Brenne. Troisième accident sur le 411, à hauteur de Wavre, en direction de Bruxelles. Vous perdez au moins 17 minutes à partir de Courroies-le-Grand. Il y a des ralentissements sur le 40 entre Everlé, Woluwe et Saint-Étienne. Vous perdez 25 minutes sur le ring extérieur de Bruxelles. 26 minutes de perdu entre Waterloo et Oullart. Et puis au sud du pays, comptez 34 minutes en plus entre Abbey et Vélaire. Ouais, bon courage. Hein. Faut chanter, faut vous dire, c'est pas possible. Hein. Pas possible, pas possible, pas possible. What you say, boy? You tryna play coy like a game boy? Hit my phone, boy. Is your homeboy? Are you a lone boy? Come give me dome, boy. Got a boy with degrees, a boy in the streets, a boy on his knees, he a man in the sheets. Sheesh, it's all Greek to me. Got this boy speaking Spanish. Ay, papi. Baby, I don't need you. I just wanna freak you. I heard you a freak too. What's 2 + 2? Mississippi boys and the city boys. I like the pretty boys with the bow tie. Get your nails did, let it blow dry. I like a big beard, I like a clean face. I don't discriminate, come and get a taste. From the playboys to the gay boys. Go and slay boys, you my fave boys. Baby, I don't need you. I don't need. I just wanna freak you. I want it, yeah. I heard you a freak too. That's right. What's 2 + 2? Sur énergie. Kaigo à suivre. Kaigo avec Imagine Dragons. Et on parle ce matin avec vous de ces phrases Nos parents ont répété ça, ou ils vous répètent ça tout le temps, ou alors vous répétez ça tout le temps à vos enfants. Vous en avez marre, ça vous énerve. Vous en parlez avec nous ce matin, 3018 par SMS, ou vous nous appelez. Hein, vous appelez Tiffany au standard, c'est gratuit, 0800 2 3 4 5 6. Aurélie de la Rédac, qu'est-ce que ta maman te répétait tout le temps quand t'étais plus jeune? Alors elle avait l'excuse pour pouvoir péter un bouton, c'était « faut souffrir pour être belle !» Ça c'est la phrase, enfin « faut souffrir pour être jolie hein !» Oh, bah oui, non. Bah, tu peux rien répondre en plus à ça. Il y en a qui souffrent beaucoup aussi. Mon Frisco. Pas assez. Pardon. Au lieu d'être méchant avec le monde. Oui, c'est vrai. Ma mère, c'était je m'en fous des autres. Tu vois, j'avais des mauvais points et je lui disais ouais, mais quand t'as aussi des. Je m'en fous des autres, c'est toi mon fils, ok? Et après, quand moi j'avais des bons points, il fait. Et il a eu combien, Quentin? Ah, ça, quand on avait des bons points, là, elle voulait savoir si tout le monde, si son fils était le meilleur. Hein. Et quand il était mauvais, on voulait pas savoir si c'était le meilleur. Excellent. 0800 2 3 4 5 6 pour nous appeler gratuitement, comme Benoît qui est là. Bonjour, Benoît. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le 6-9, Benoît. Qu'est-ce que toi tu répètes tout le temps, ou que tes parents répétaient tout le temps? Alors, exactement ce que tu viens de dire à l'instant, en fait, c'est exactement ce que j'allais dire quand je faisais quelque chose. Mes parents me disaient toujours « Oui, mais je m'en fous des autres, moi ce qui compte, c'est toi. Ouais. » Et c'était toujours ça. Et par contre, effectivement, quand j'avais des bons points, je disais « Oui, mais t'as vu, Quentin, il a eu ça. » Et donc... Vous aviez le même pote ? Ouais, j'étais dans ma classe. Mais peut-être qu'on était en classe ensemble. Ah oui, ça doit être ça. J'avais peut-être la même mère aussi, qui sait. Non, ça je le saurais quand même. Ah, ouais, ou peut-être juste le même père, ça c'est aussi possible. Mais C'est pas drôle. Répète... oui, ah, pour toi c'est pas drôle. Je répète exactement la même chose aujourd'hui à mes enfants. Donc, c'est vrai. Ils ont 17 et 13 ans et je répète exactement la même chose. Donc, ah, c'est drôle. Les autres, je m'en fous. C'est génial. Ouais, purée. Il n'y a pas que cette phrase-là qu'on répète. Hein. Je répète encore d'autres phrases que mes parents disaient. Donc, quelque part, ça a servi quand même. Quoi. Bah voilà, c'est ça. On transmet, quoi. C'est la transmission. Voilà, exactement. Donc il faut quand même bien répéter aux jeunes, il faut bien écouter les parents, parce qu'ils ont quand même toujours la parole du sage. la sagesse. C'est ça. La sagesse, exactement. Merci voilà. Beaucoup Benoît d'être venu dans l'émission. On te souhaite une belle journée. À bientôt. Merci, bonne journée. Bisous. Isabelle est avec nous. Isabelle, bonjour. Bonjour. Isabelle, qu'est-ce que toi tu répètes à tes enfants, ou tes parents te répétaient tout le temps? Bon, mes parents me répétaient tout le temps, quand je me mêlais de la conversation des grands, que c'était des semences de curieux qui font pousser les cheveux bleus. Attends, des semences de curieux qui faisaient pousser les cheveux bleus. Ah, donc si. C'est une expression wallonne. Et tu croyais que t'avais des cheveux bleus qui allaient te pousser alors dessus? Non, mais bon, c'était assez original. Mais c'est génial! Mais c'est génial! Moi, ma mère me sort ça, je lui dis, mais maman, t'as fumé quoi aujourd'hui? Sans déconner, mais je connaissais pas du tout cette expression. Moi, j'ai une mèche blonde qui a poussé derrière, mais je sais pas si c'est à cause de ça. Non, c'est pas du blond, c'est des cheveux blancs, ça, Jérémy. Allez, merci, on reviendra. Eh ben, merci d'être venu ce matin, Isabelle. Je ne connaissais pas du tout cette expression. C'est des semences de curieux qui font pousser les cheveux bleus. Mais écoute, voilà, Moi, on m'en disait une belle aussi. Ah, à chaque fois, je faisais une grimace, on me disait « Arrête de faire ça, tu vas rester bloqué ». Ah oui! Oui! Quand tu louches, laisse les sons de cloche, tu vas rester bloqué. Je fais, il n'y a pas de cloche. Hein, ce qui est d'ailleurs faux. Hein. Vous pouvez loucher autant que vous voulez, vous ne resterez pas bloqué. J'ai appris ça il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Oui, voilà. C'est un excellent sujet qu'on pourrait faire aussi, ça. Hein. Les légendes urbaines. Ouais, non, mais c'est des trucs qu'on t'a dit quand t'étais petit et qu'en fait tu te rends compte que c'est pas vrai. C'est du mytho, quoi. Merci, ouais, Isabelle. On te souhaite une belle journée. À bientôt. Salut, Isabelle. Bisous. Virginie, pour finir, qui est là. Bonjour, Virginie. Bonjour. Bonjour. Salut. Virginie, qu'est-ce que toi on te répétait tout le temps, ou que tu répètes à tes enfants? Alors ma mère, à chaque fois qu'elle m'engueulait, je la regardais pas parce qu'elle m'engueulait, et elle me disait regarde-moi quand je te parle. Du coup je le faisais, je regardais dans ses yeux, et là elle me disait baisse les yeux. C'est génial. Mais c'est vraiment ça. Mais vraiment, tu me regardes quand? Baisse les yeux. C'est dans le film, dans Mission Cléopâtre aussi, ils font ça. Il y a un sketch comme ça. C'est possible. Enfin, je vous le dis, c'est super drôle. Regarde-moi, baisse les yeux. Ouais, regarde-moi. Baisse les yeux. Regarde-moi quand je te parle. C'est comme si tu engueules un petit, tu fais avec qui t'as fait ça? Et puis t'as le petit qui fait bah, avec le voisin. Tu ne me réponds pas. Si, c'est vrai, ils font ça aussi. Excellent. Eh ben, merci d'être passé ce matin, Virginie. C'était un plaisir. Avec plaisir, merci. Bisous. Bonne journée, bisous. Ah, moi, je suis obligé de vous la dire parce que je suis sûr que vous allez tous vous reconnaître aussi là-dedans, mais elle est magique. Ma maman, c'était tout le temps les lumières. C'est pas Versailles ici, hein. Frisco. J'ai un pote qui vient de m'envoyer un message. Il m'a dit faux. J'ai une pote qui louchait quand elle était petite et son air est resté bloqué. Elle a dû se faire opérer. C'est vrai? Ouais. Alors, oubliez totalement ce que je viens de dire. Ne louchez pas. Ne louchez pas. Mais tu vois que j'avais raison. Mais ouais. C'est vous qui m'avez dit que c'était une légende. Ah, je te jure. Bon, allez, Kaigo, chante-nous une chanson. Dans un instant sur Énergie et les vacances pour vous ce matin. Vous gagnez 2000 euros de vacances dans le 6-9 sur Énergie. La plage ou la montagne est à votre portée des mains ce matin, puisque. Enfin, à portée de main plutôt. T'as dit quoi? À portée de main. J'ai dit des bêtises. Si vous voulez gagner ça ce matin, il suffit d'envoyer vacances par SMS au 78, vacances au 6018. C'est 1 euro le message envoyé et reçu. À vous la plage ou la montagne. Vous choisissez, on vous régale 2000 euros de vacances. Ça va tomber dans moins de 30 minutes, donc inscrivez-vous vite. Vacances au 78, bonne chance. When I was young, I fell in love. We used to hold hands, man, that was enough. Then we grew up, started to touch. Used to kiss underneath the light on the back of the bus. I know your daddy didn't like me much, and he didn't believe me when I see you with a wall. Every day, she found a way out of the window to sneak out late. She used to meet me on the east side, in the city with a sun on set. And every day you know that we ride through the back streets of a blue Corvette. Baby, you know I just wanna leave tonight. We can go. Drive down to the coast, jump in the sea. Just take my hand and come with me, yeah. We can do anything if you put a mind to it. Take your whole life, then you put a line through it. My love is yours if you're willing to take it. Give me a heart, cause I'm gonna break it. So come away, start it today. Start a new life together in a different place. We know that love is how all these ideas came to be. So baby, run away with me. 17, and when I was was young, back to the day when I was falling in love. He used to meet me on the east side, in the city where the sun don't set. And every day, you know where we'd ride, through the back streets in a blue Corvette. And baby, you know I just wanna leave tonight. We can go anywhere we want, drive down to the coast, jump in the sea. Just take my hand and come with me, singing. We can do anything if we put our minds to it. Take your old life and you put a line through it. Play with me, run away now, run away now. Avec Big Mat, construire ou rénover par tous les temps. On joue ensemble dans un instant, c'est le mot gagnant qui va arriver juste après l'actu. Jane Coteit, et la voici la météo. Va faire beau aujourd'hui, c'est l'été, hein. Enfin l'été en automne, hein, je précise, entre 18 et 24 degrés et du soleil. Ah. On s'informe l'actu de ce mercredi 10 octobre avec Aurélie Adam. Bonjour Aurélie. Bonjour Marco, bonjour à tous. On commence avec cette info pratique. Suite à un vol de câbles, la circulation des trains a été interrompue entre Bressou et la frontière néerlandaise. Un service de navette de bus a été mis en place. On ne sait pas encore quand la circulation des trains pourra être rétablie. Les éducateurs vont être formés pour lutter contre la violence et le harcèlement à l'école. La ministre de l'Éducation va proposer une formation de 2 jours. Aux éducateurs du fondamental et à ceux du secondaire qui sont en fonction depuis au moins 5 ans, ils apprendront différentes stratégies pour prévenir, gérer, résoudre un conflit ou une situation de violence. Ils apprendront aussi comment faire face au harcèlement et au cyberharcèlement. Chez nous, 16% des élèves entre 10 et 19 ans ont déjà été victimes de harcèlement à l'école. Et puis en parlant de harcèlement, Instagram propose de nouvelles fonctionnalités depuis hier. Dorénavant, l'application est capable de scanner les photos et vidéos afin d'identifier les contenus problématiques. Les publications sont ensuite examinées par une équipe du réseau social. Adam Mosseri, le patron d'Instagram, espère que ces évolutions vont notamment permettre d'aider les victimes qui n'osent pas parler. 16% des trains sont en panne ou en réparation. La SBL Navetteur.be réagit pour elle. Ces trains immobilisés ont notamment des répercussions sur la ponctualité. Le ministre de la Mobilité, François Bellot, en est conscient. Il affirme que différentes actions sont en cours pour améliorer le processus d'entretien. Il espère réduire le taux d'immobilisation de 30% d'ici 2021. On termine ces infos avec du sport et du football. Notre équipe nationale féminine n'a pas réussi à se qualifier pour la Coupe du Monde. Les Red Flames ont partagé l'enjeu 1-1 face à la Suisse hier. C'est pas suffisant. La Coupe du Monde pour dames aura lieu l'année prochaine en France. Les jours Fnac sont de retour. Dès ce vendredi, profitez de réductions allant jusqu'à 30% sur les CD, DVD, jeux vidéo, TV, Fnac. Libérez votre curiosité. Offre soumise à condition. Alors, déjà 10 minutes que vous êtes arrivé au boulot. Et vous restez dans la voiture ? Tout ça pour écouter un peu plus de 6-9 ? Faites gaffe. Vous êtes accro, là. Le 6-9 sur Énergie. C'est le 6-9. Eh oui, c'est nous. Il est 8h34. Bonjour ! Bonjour ! On espère que tout va bien mercredi 10 octobre. Une belle journée, la journée des enfants aujourd'hui. Bah oui, c'est vrai. Mercredi après-midi, pas court. Bah oui, souvenez de ces bons moments. Ah, oui. Moi, le mercredi, c'est un de mes jours préférés. Ah, j'adore. Parce qu'après, tu mangeais des frites à midi. Ah. Non, j'allais chez ma grand-mère manger des légumes, moi. Je te jure. Le mot gagnant dans un petit instant. Toute l'équipe est là. Les fufous du matin sont là. Venez nous retrouver sur Instagram, les copains. Déjà parce qu'on est bientôt à 8000. Ça serait bien. Il nous reste vraiment très peu de monde pour être à 8000. Il nous reste 86 personnes. Exactement. Ça peut aller très vite. Vous nous faites ça vite fait maintenant. C'est les fifous du 6-9 sur Énergie. Et vous n'allez pas être déçus. On a mis une photo dossier sur Jérém ce matin. Tu reviens pas avec ça. Si. On a fait le quiz de la dignité tout à l'heure. C'est un nouveau jeu qui reviendra souvent, je vous le dis. Au moins une fois par semaine. Au moins, il y aura un dossier une fois par semaine sur quelqu'un. Ah oui ? Bon, pourquoi pas. Ça s'appelle le quiz de la dignité. Et c'est Mickaël qui est venu jouer avec nous. Il a gagné. Donc, il fallait répondre à des questions. Il a répondu bon à 3 questions sur 5 et il a pu donc choisir un dossier sur quelqu'un de l'équipe. Il s'est fait plaisir, il a choisi Jérém, mais j'ai envie de dire, on ne boude pas notre plaisir ce matin. On a mis une photo dossier, franchement la testasse de Jérém, oh elle non, est magique. Non les gars, vous êtes allez voir ça. Allez voir ça vraiment maintenant. J'ai jamais utilisé ce mot. Oui, l'utilise plus. Vous allez voir les fufous du 6-9 sur Énergie, comme le fait Claudia par exemple qui est là ce matin. Il y a Angel aussi, il y a Visé, il y a Tanguy, salut à toi mon pote, il y a Amélie. Il y a Jamy aussi qui est là ce matin. Arrêtez, Ange, Loredana, Lucilia, venez les copains. Bisous à Jones aussi qui vient d'arriver. Ouais, il y a Marine, Louis. Ils sont beaux. Hein. Ils sont super belles beaux. Photos de couple. Des bisous. Oh, avec un beau ciel bleu derrière. Big up à Émilie aussi, à Mathieu. Enfin voilà, venez les copains. On est à combien là? On va y être. On est en bonne voie. Là, on est à 7934. J'ai pareil. 7935. J'ai pareil. Qui dit mieux? 7936. Arrêtez d'aller plus. Voir. En plus, la photo ne vaut même pas le détour. Arrête de dire ça, c'est archi faux. Les fifous du 6-9 sur Énergie, venez nous liker sur Instagram. Et surtout, venez liker la photo de fifou de notre ami Jérém. Les commentaires sont mythiques. Hein. Ah oui, mais y a de quoi. Il y en a un qui m'a dit « You touch my tralala ». C'est tellement ça, mec. On écoute Jane et juste après, c'est le mot gagnant sur Énergie. 8h37, bienvenue. No, you think that I am over you. But I have just better things to do than crying over you. I really got to move. But with the love that I keep around, I got my life and I'm a fire. I got my voice to make it higher. Show me the way I could be stronger. Life's too short to look down at you. Things gonna be city runs into my dreams. Darling, I look up at the sun, the rising of another dawn. I got some time to sing the love. I got no time for you on board. I'm not angry with you, boy. I just really wanna move on. Things gonna be Énergie 5 Seconds of Summer. C'est la suite des hits. Et on va jouer ce matin le mot gagnant. J'adore ce jeu, vraiment. Le mot gagnant. Et c'est qui vient jouer avec nous, Tiffany? C'est Paola qui travaille comme responsable financière à l'hôpital de Liège. Elle est mariée, elle a 2 filles, Eva et Élise. Elle adore faire du shopping et les voyages. Et alors, elle aime aussi regarder l'émission Danse avec les stars. Oh! C'est samedi ça, hein, samedi soir. Ouais, sur TF1. Ah ouais, j'aime beaucoup Camille Combal à la présentation, je vous le dis. Il est très très très fort. Tika Ikata. Pourquoi il fait ça dans l'émission? En fait, il y a un danseur qui s'appelle Christophe Licata. Il fait Christophe Licata. C'est très connu. Paola, bonjour. Bonjour. Salut. Sois la bienvenue Paola ce matin dans le 6-9. On va jouer avec toi au mot gagnant. Paola Kata. Qui sont bêtes. On va jouer au mot gagnant. Le concept est simple. Tu vas avoir 20 secondes pour nous donner tout un tas de mots qui démarrent par une lettre. Une lettre que je vais te donner dans un instant. Quelqu'un de l'équipe fera la même chose. Un mot en commun entre vous deux. Bam! Tu fais des chocs à pic. Ça fera un cadeau pour toi ce matin, Paola. D'accord. Tu peux choisir évidemment la personne avec qui tu veux jouer. Il y a Tiffany du Standard, il y a Jérém, il y a Frisco. Et je peux aussi jouer avec toi si tu as envie. Ouais, je suis un fou ce matin. Je suis un fou. Je veux bien Jérém, moi. Et okay. Jérém. Je veux bien Jérém. Calme-toi. Jérém, tu peux quitter le studio, s'il te plaît, pour ne pas entendre les mots de Paola. Nous sommes de tout cœur avec toi ce matin, Paola. Et nous allons jouer avec... bah tiens, Tiffany, choisis une lettre de l'alphabet. M. On l'a fait hier. 1. Q. Enfin, pas hier, mais avant-hier. Q. Bah, c'est les lettres que j'ai sous les yeux. Bon, bah, très bien. Très bien, mais pas d'accord. Très bien. Quoi? O. Ah, va nous faire l'alphabet, je vous le dis, j'en peux plus. Je n'en peux plus. C'est le même délire, tu vois. Paola, on va faire simple. On va prendre la première lettre de ton prénom, c'est-à-dire le... P. Le P, tout à fait. Et on y va avec le P, c'est parti. On a changé 8 fois de lettre, c'est très bon. 20 secondes, la lettre P, Paola, on y va. Pierre, patate, pomme de terre, pied, pirate, pomme, poire, pyramide, C'est fini. C'est pas mal. 2, 4, 6, 8. C'est pas mal. Jérém, reviens dans le studio. Re-rentre, mon cher ami. Combien? 8 mots, c'est ça? Ouais. 8 mots, Jérém, ça va. Ouais, pas mal. Oui, c'est pas mal. C'est jouable, normalement. J'espère que je serai connecté avec Paola. On espère aussi, puisque la lettre ce matin, Jérém, c'est la lettre P. 20 secondes, la lettre P, un maximum de mots et surtout un en commun avec Paola. C'est parti. Pierre. Ça, c'est de la connexion, les amis. Eh, on est beaucoup plus que connectés, Paola. T'es en 4G, là. Hein. Ah, c'est plus du Bluetooth, là. Ouais, c'est du 4G, là. C'est incroyable. Je pense qu'il se passe quelque chose entre nous, Paola. Ah, bah ça. En tout cas, elle a l'air heureuse. Oui, bah, j'ai envie de te dire, Paola, va voir la photo qu'on a mis de Jérém, tu vas voir, ça refroidit tout de suite. Oui, clairement. Arrête de parler de cette photo. Ah oui, vraiment, il faut que tu viennes voir. C'est les fifous du 6-9, c'est sur Facebook ou sur Instagram. Tu as quoi? Je regarde et que je raccroche. Ah, voilà. Bah, direct, ouais. Tu viens nous liker et alors tu vas voir la photo, elle est pépitas bonitas. D'ailleurs, même sa meuf hésite à rompre. Elle n'est pas encore au courant, et je vais essayer de masquer ça. On t'offre du cadeau ce matin, Paola. On te laisse choisir. Place de cinéma, dernière compil énergie ou alors notre enceinte Bluetooth. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? L'enceinte Bluetooth. Eh ben, on t'envoie ça à la maison, Paola, avec plein de bisous de l'équipe et plein de petits cœurs. Ah, super. Bah, je remercie et continuez comme ça, c'est super. Oh, bah, merci beaucoup, Paola. Bisous. Merci d'être avec nous tous les matins. On t'embrasse. Belle journée, Paola. Au revoir, bonne journée. Bisous. Et va voir la photo, ça vaut le détour, je te le dis. 5 Seconds of Summer, c'est ce qu'on écoute maintenant. Surrender my everything, 'cause you made me believe you're mine. Yeah, you used to call me baby, now you're calling me by name. Takes one to know one, yeah, you beat me at my own damn game. You pushing, I'm pulling away from you. I giving you take, giving you take. Young blood, see you want me, see you want me. Out of your life, and I'm just a dead man walking tonight. But you need it, yeah, you need it. All of this time, yeah. Young blood, see you want me. Back in your life, so I'm just a dead man calling tonight. 'Cause I need it, yeah, I need it. Conversations end like it's the last goodbye. Then one of us gets too drunk and calls about 100 times. So who you been calling, baby? Nobody could take my place. When you looking at those strangers, hope to God you see my face.

Et on est à 8000 et on se quitte là-dessus et ça serait vraiment bonheur. Les fifous du 6-9 sur Énergie sur Instagram. Tanguy qui vient d'arriver dans le studio. Bonjour beau gosse. Bonjour tout le monde. Ça va bien? Salut beau gosse. Salut. Est-ce que t'as des photos dossiers comme ça aussi toi? Ah moi j'ai du très très lourd. Ah ouais oui. Mais je vois pas pourquoi je vais les donner maintenant. Non mais t'as du très lourd sur Jérém parce que t'es à l'école avec, donc je suppose que étant jeune, non? Sur Jérém, je sais pas si j'ai du dossier. Je vais chercher ça. Ouais c'est bon les gars, pourquoi c'est pas Jérém? Elle vous suffit pas la photo qu'il y a sur Facebook et sur Instagram? Non, on en veut plus. On en veut plus. Allez, ce matin, j'ai envie que ce soit la fête. C'est la fête, c'est la fête. 9, on est à 994, les copains. On va y être. On 996. Va y être. On va y être. On va y être. 99. Oui, je l'ai. Mais je oui. Oui, oui, c'est ça qu'il faut mettre là. Là, là, là, là, là, là, là. Fifou du 6-9 sur Énergie pour nous retrouver. Merci les fifous. 8000, c'est que dalle. 8016. Eh les gars, on est en Belgique, évidemment que c'est très bien 8000. Ah oui, j'avoue, c'est la Wallonie. Bah attendez. C'est pas le compte, c'est pas le nombre qui compte. C'est la qualité, monsieur. T'as vu comme ils sont beaux, les gens qui et nous écoutent. Ils sont magnifiques. Et c'est vrai, on a de très, très, très, très beaux fifous avec nous chaque matin. Je vous donne des petits trucs, ça sert à rien, mais pourtant, ça existe. Voilà, si vous avez envie d'acheter des trucs bien pourris là pour la Noël qui arrive et Saint-Nicolas. Un distributeur de savon en forme de nez. Mmh. Un nez, un noise, quoi, un petit nez, quoi. C'est un nez, d'accord. Et tu pousses dessus et c'est comme si c'était de la morphe qui sortait. Quoi. Sauf que c'est du savon. Je trouve ça très drôle, Yvan. Tu sais ça où il vend le savon ou pas? Non, du tout. Débrouillez-vous. Je suis pas là pour faire la pub de où on vend ça, mais c'est génial, je trouve, pour les enfants. Ça donne envie de se laver les mains, c'est très bien. Des boules de Noël, c'est pour toi, ça, Frisco. Des boules de Noël en forme de burger et de frites. Ah, mais moi je les mange. Hein. Oui, mais c'est en plastique. C'est en plastique, c'est des boules qu'on met sur le sapin. Oh, nul. Oui, voilà. Des savons saveur bière, whisky ou vin, voilà, pour les fans de l'apéro. Ça, c'est pour toi. Ça va, ça suffit ou quoi? Des pires. Mais t'arrêtes pas de me tailler sur les hamburgers, je peux te tailler sur la bouteille, non? Le mec est malade, il me fait passer pour un alcoolo, quoi. Mais tu me fais passer pour un bouffon. C'est pour toi, ça, Jérém. Des pilules pour faire caca, mais des paillettes. Ah, des caca paillettes. Pourquoi c'est pour moi? Je sais pas, tu flouses tout le temps. Alors. C'est le mec qui lâche des caisses en permanence dans l'équipe, sans déconner. Une bougie en forme de Air Max. Pas mal ça. Ah, mais c'est quoi ça? C'est pour Tiffany, ça, pour tes moufettes qui pullulent. Tu peux mettre une bougie dedans en forme d'Air Max. Le sac Polly Pocket. Les filles, Polly Pocket, non? Mais elles vont être perdues, elles vont devoir porter 18 des sacs de Polly Pocket. Non, il est grand, c'est le format pour adultes, quoi. Ah, d'accord. Ouais, mais Polly Pocket, quoi. Bien herbette avec ça. Alors celui-là, il est magique. Un sac, en toile pour aller à la plage avec écrit Benjam, Tréjean. Mais non. Voilà, si vous appelez Benjamin, c'est pour vous. Des chaussons en forme de petits pains. Des petits pains à manger le matin, ça, c'est bien ça. Du petit chausson. C'est ce qu'il me faut, moi. Je me vois bien là-dedans dans mes petites baguettes. Au frais, au calme. Dans un instant, on vous offre 2000 euros de vacances juste après Calvin Harris, Dua Lipa, qu'on écoute maintenant One Kiss. 2000 euros pour aller à la montagne ou à la plage, c'est pour vous juste après. We'll be right back. heaven in me. The feeling won't let me sleep, 'cause I'm lost in the way you move, the way you feel. One kiss is all it takes, falling in love with me. Possibilities, I look like all you need. One kiss is all it takes, falling in love with me. Possibilities, I look like all you need. Sur Énergie, on se quitte dans un instant. On vous laisse avec Tanguy. Avant ça, on vous régale 2000 euros de vacances. Vous gagnez 2000 euros de vacances dans le 6-9 sur Énergie. Et c'est tous les jours de la semaine jusqu'à vendredi. Tous les jours, 2000 euros de vacances qui tombent. Vous pouvez choisir en plus la destination. Vous partez soit à la montagne, soit à la plage. C'est du beau cadeau qu'on vous offre dans le 6-9. On est parti. On appelle le gagnant de ce matin. Il suffit de vous inscrire en vacances par SMS au 78. C'est 1 euro le message envoyé et reçu. Vacances au 6018. Et peut-être la chance pour vous de gagner du cadeau. Ça sonne. Oh, c'est rare. C'est... Oh, oh non, elle n'est pas disponible. C'est sa messagerie. C'est une blague. Eh ben, allez-y, go maintenant. Vacances par SMS au 78. 1 euro le message envoyé et reçu. C'est une blague. Non, c'est pas une blague. On est obligé de rappeler quelqu'un d'autre, évidemment. Hein. Désolé pour. Allez, vite, envoyez vacances au 78. vite. Le mec, non, il me fait rire. Vacances par SMS au 6018 pour vous inscrire. C'est 1 euro le message envoyé et reçu. On attend 10 petites 15 secondes. T'imagines 2000 euros de vacances, quoi. Ça peut être pour vous, tu là, maintenant. Tu vas avec ta famille, quoi. Tu vas au soleil, tu vas en Corse, l'eau turquoise. Tu vas prendre un petit. Donnez-les-moi, sinon. Hein. Je sais pas qui n'a pas décroché, mais la personne va beaucoup s'en vouloir, je vous le dis. Ça va tomber pour vous là, du coup. On rappelle un gagnant, on tire au sort là tout de suite, dans même pas 10 secondes. Vacances au 6-0-1-8. Allez, je vous laisse encore 5 secondes. 4, 3, dans la pression. 2, attends, fais 1, 1,5, 0, 1, 3 quarts. Un huitième. Ça aussi, mon père me le faisait souvent. Un dixième. Vacances au 78. Allez, c'est parti, on appelle. Et là, de nouveau, ça décroche pas. Bonjour, c'est Sabine, je suis pas là pour l'instant. Mais si c'est pour 2000 euros, laisse un message. Allô ? Oh, ah, ça répond pas, mince. C'est dommage, Jean. Allô ? Allô ? Mais c'est dingue. Bonjour, Énergie. Mais on n'entend rien. Allô. On appelle quelqu'un d'autre. On va devoir appeler quelqu'un d'autre encore une fois, c'est pas possible. C'est dommage. Allô ? Ah ! Allô ? Ah bah non. Je pensais que... Mais on rigole. Bonjour, c'est comment ton prénom ? Allô ? Bonjour. C'est comment ton prénom ? Ingrid. C'est laquelle elle n'entend vraiment rien. Non, je vous entends. Ingrid, t'es plutôt... mais non. 20 euros dans la cagnotte, Jérém. 20 euros. Non, c'est Frisco. Tu peux augmenter la cagnotte si tu veux, Ingrid. On est à méga à la bourre, ouais. On reste à 20 euros, Ingrid. Oui. Tu peux demander à Jérém qu'il mette plus avec ce qu'il vient de dire. Oui, il peut mettre vachement en plus. Hein. J'ai pas entendu, mais il peut mettre plus. Je dis 50 euros dans la cagnotte. Bah, tu rigoles ou quoi, Et tu pètes le plafond. Ingrid, t'es plutôt vacances, oui, ou plutôt plage ? Ah, je suis plutôt plage. Eh bien, nous t'offrons 2000 euros de vacances pour aller à la plage, c'est gagné ! Ouais, yeah. Merci. On te souhaite une excellente journée qui démarre bien, du coup, merci, Ingrid. Merci. 2000 euros de vacances pour toi à la plage, tu sais déjà avec qui tu vas y aller ? Ah, oh, bah avec ma petite famille, hein. Eh bah, t'as bien raison, Ingrid, profites-en bien, on t'embrasse fort, fais des photos et tu nous envoies tout ça. Hein. Super, pas de soucis, merci. Bonne journée, Ingrid, bisous. À bientôt. Salut. Bisous, on revient demain dès 6h, les fifous, on sera là avec vous. Demain, c'est une journée spéciale, c'est la journée internationale des filles. Ouais. Et donc, on va se déguiser en filles. C'est une blague. Nous allons. On va pas se déguiser, s'habiller. Oui, pardon, on se déguise pas, on s'habille. Attention. Pardon, je retire ce que je dis. Donc ça sera une émission spéciale girly ? On va donc se costumer en filles. Et pour nous, c'est un costume. On met pas ça tous les jours. On va donc s'habiller en filles demain, se maquiller. Et je vous donne même la règle. Vous faites ça chez vous. vous démarrez, donc Jérém Frisco, vous démarrez chez vous à la maison et vous partez de chez vous mais habillé en fille. Mais je vais pas me lever une demi-heure plus tôt. Mais je m'en fous, c'est pas mon problème. Elle verra notre quotidien. Mais non, mais de chez moi, je vais devoir dans les bouchons. Etc. C'est comme ça, monsieur. Et raser la moustache. Tu fais signe à tout le monde en faisant coucou. Moi, je serais Conchita Wurst. Je vais pas me raser pour l'occasion. Vous le dire. Est-ce qu'on doit rouler à 100 à l'heure sur la troisième bande à gauche? Comme Tiffany. Rendez-vous demain. Dès 6h, on fera toute l'émission comme ça en fille. Ça va être très très drôle. On vous laisse avec Tanguy qui s'occupe de vous pour la playlist personnalisée. C'est qui ce matin? Priscilla. Priscilla, et ben c'est ta playlist qui arrive. Et on se retrouve demain dès 6h. Bisous d'équipe. Bisous. Bisous. Et à demain. À demain. Le 6-9 revient. Demain. Dès 6h. Dès 6h sur Énergie. Les femmes sont l'avenir du numérique. Tu me crois pas? Wallonia Wonder Woman, action. Parce que c'est vraiment l'avenir, c'est intéressant. Ça n'a pas de limite et on peut travailler dans n'importe quel domaine. Se mettre la barrière de bah non, moi je suis une fille, les filles elles font pas ça. C'est pas vrai. Tout le monde devrait faire du numérique. Wallonia Wonder Woman, première. Découvre leur parcours de ouf sur digitalwallonia.be/woman. Digital Wallonia, nous transformons la Wallonie. And you're listening to Énergie. C'est parti, jusque midi, on est ensemble les amis, c'est Tanguy avec vous et on commence avec la playlist partagée de Priscilla. Priscilla qui m'a même laissé un message. Elle dit voici tous les titres que j'aime et qui feront plaisir à mes amis, à Rino, Anna, Aurélie, Vincent et à ma sœur Sabrina. Priscilla qui a choisi Jennifer, Luan, Alvaro Soler, l'artiste et David Guetta. Bref, faites comme elle, vous foncez faire votre playlist sur énergie.be. Te souviens-tu de l'ivresse, de nos envolées soudaines? Reconnais-tu mon adresse, nos larmes au bord de la Seine? Allons voir ce qui reste. Laisse-moi partir.